Allez, c'est fini pour ce soir. On a encore passé une super soirée là avec vous. On va vous retrouver dès demain sur Fun Radio. Demain, on sera mercredi dès 20h avec le doc, avec Karima et avec un petit message là maintenant pour le passage d'antenne avec Mickaël. Oui. Et t'es là, Mickaël ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Salut. Je vais te dire un truc, Mickaël. Oui. Le doc m'a dit texto, elle est mignonne, Sandro. J'ai pas dit ça, moi. Oui, mais pourquoi tu l'as dit, Doc? Est-ce que le Doc serait intéressé par Sandro? Non, non, parce qu'elle est en pleine recherche. Non, non, non. Ah, ça, non. C'est le côté marieur de. Mais pas du tout, Doc. Oui. Hein, pas voilà, du tout. Ce côté entremetteur. Tout à l'heure, Doc, t'as dit que je vais mettre des trucs dans les fesses. Il arrive pas à mettre du coup, donc il est entremetteur. Il est en train de te tacler. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai que pas entendu. T'arrives pas à mettre tout court, donc du coup, tu joues l'entremetteur. J'arrive pas à mettre qui? En général. Mais je n'arrête pas de mettre en ce moment, Doc, si tu veux savoir. De remettre, non? Oui, je mets et je remets. D'accord, oui, tout à fait. Mais bon, alors, Sandro, on l'a pas entendu, Sandro. Bah, du coup, elle est là, elle est disponible. Lui, je sais pas comment le prendre entre Polo qui se tape une barre de rire et puis le Doc qui dit bah non, pas du tout. Mais non, mais je pense qu'elle a plus de chance avec éventuellement un des fils du Doc. Peut-être qu'il en reste encore un disponible. Ah, il y en a quelques-uns. Oui. Bah, j'ai un paquet dans le magasin. Parti. Ah, oui, bien sûr. Non, mais le Doc, il en a 5, hein, il a 5 garçons. Ah, il y a le choix, donc. Ah, parfait. Exactement. Mais le Doc, en fait, il aimerait faire un truc. Boum, boum, tac, tac. Remets-le. Boum, boum, boum, tac, tac. Boum, boum, boum, tac, tac avec Sandro. Donc, si jamais. Eh bien, pas de problème, je lui donnerai son numéro de téléphone. Oui. Bon, bah, y a pas de souci. Y a pas de problème. Voilà, Doc, ça y est, c'est réglé cette histoire. Hein. Eh ben voilà, bien sûr. Le Doc et Sandro, j'attends les photos montage. Hein. Mais non, allez, mais bien sûr. C'est mon beau-papa, du coup, maintenant. Voilà, c'est ça. Exactement. Oui. Beau-papa. C'est mieux dans ce sens-là. Bah oui. Bon, bah, bonne soirée à tout le monde. Bonne émission. Regarde demain à partir de 20h pour Lovin Fun. On sera là. Eh ben j'espère bien. Eh ben déjà que vous êtes 4 jours par semaine, je manquerai pas que vous en ratiez une, tiens. Tu t'en remets pas de celle-là. On sera là. Bon allez, bonne soirée tout le monde. On est parti jusqu'à 2h. Salut. Ciao. C'est quand même pas une pute, hein. Mickaël. No limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Oh, qu'est-ce que vous m'avez saoulé aujourd'hui. Ah, il faut que je vous en parle. Je vous en parle d'une photo dans quelques minutes. Ouais. Avant cela, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ce soir? Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme, évidemment. Ouais. On est prêts, là. Nous, on est ready, en tout cas. J'espère que vous aussi, prêts pour une émission de folie, comme tous les soirs. Alors, moi, c'est Mickaël, hein. Ça n'a pas changé. Les horaires non plus, ils n'ont pas changé. Là, on est là du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Et le dimanche, de 20h à minuit, pour s'éclater avec vous, avec nous. Vous venez délirer, évidemment. Vous nous appelez au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0. Et vous passerez à l'antenne comme Liana, qui est avec nous. Bonjour, Liana. Bonsoir. Comment ça va? Bien et vous? Vous allez bien? Eh ben on va plutôt bien. T'appelles de Bourg-en-Bresse toi, 19 oui. ans Liana. Est-ce que t'as passé une bonne journée? Oui, très très bonne. Bon, j'attendais votre appel. Oh donc, ouais. Ben voilà, t'as vu, on est là. Est-ce que tu sais quel sera mon coup de gueule du jour? Non, dis-moi toujours. Est-ce que tu étais sur Facebook cet après-midi? Non. Non, ah bah voilà, c'est pour ça que tu ne sais pas pourquoi je vais pousser un coup de gueule. Bah, je vais le faire dans quelques minutes, Liana. Le coup de gueule va arriver dans 5 minutes, restez bien là. Surtout ne bougez pas. Je suis en train de réfléchir dans ma tête aux phrases, dans quel ordre je vais les mettre. Voilà, Amy, dès que c'est fait, je vous le mets, vous allez voir. Bon, Liana, alors, qu'est-ce qu'on va. On va parler de quoi avec toi dans un instant? Tu nous appelles pourquoi? Par rapport à la jalousie que j'ai envers mon mec, en fait, je suis énormément jalouse. Ah, parce que Toff, il voulait directement faire d'entrée de jeu là, un petit tour du propriétaire, mais du coup, ça sert à rien. Ah, du coup, là, aucun intérêt. T'es avec lui depuis combien de temps, Liana? 8 mois. Ah, 8 mois, non, mais c'est possible, alors on sait jamais, un accident est arrivé. Liana, oui, combien voilà, ouais. je mesure 1m70. Combien pèses-tu? Je pèse. Oui, ton poids. Ah, En kilos, hein? Bien sûr. Oui, bah bien sûr. 62, 63. Quel est ton tour de poitrine? 95D. Waouh. Ah oui, D comme D énorme alors. Hein. Ouais. Ou D gros seins. Oui, ou D gros seins. Oui, et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38-40. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah bah oui, non mais Liana. Bonne. Qu'est-ce? Ah bah complètement. Ouh. Eh ben écoute, bienvenue Liana, je t'accueille encore plus les bras ouverts que tout à l'heure. Oh, quelle gentillesse. Bah tu sais bien, on fait pas attention au physique nous, hein. Ouais. Nous on est là, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur des gens, oui. Ce qu'ils ont dans leur âme. Oh, c'est beau, ça, je croyais qu'elle allait dire qu'on regardait ce qu'il y avait à l'intérieur du soutif, mais. Non, pas du tout. Ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ce qu'ils ont dans le cœur et dans la tête, bah, et dans l'âme. Voilà, c'est vrai. Non, c'est totalement faux, bien évidemment. D'ailleurs, je mérite un coup. Voilà. On regarde bon. Le cul. Voilà, Sandro est au taquet également pour répondre à tous vos appels. Hein. 01 42 48 5000 pour la Belgique. 02 851 4x0 en pleine forme. En pleine forme. Bon, eh ben, j'ai envie de dire tant mieux. Et puis, ben, on va accueillir également Toff hein, qui est là aussi. Est-ce que t'as écouté l'émission hier soir ou pas, Liana? Oui, j'ai écouté. Bah oui, je vous suis tous les soirs, Fun Radio. Oh, donc oui, c'est je suis gentil. Bon, et en fin d'émission, du coup, je sais pas si t'es encore là à ce temps-là, mais Toff s'est fait un nouvel ami. C'est le père d'une auditrice qu'on avait appelé pour un sondage. Et très gentil, hein. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait me faire chier? Voilà. Puis on l'avait rappelé, ça avait donné ça. Tu es enculé, toi. Tu es enculé, toi. Et voilà, c'est ça. Et il était bien. Non, il était gentil. Adorable. Il était brave, il était gentil. Bref, au taquet, quoi. Et puis, il y a Polo, évidemment, qui est toujours là. Est-ce que tu connais le pipeau de Polo, Liana? Ah, non. Ah, est-ce que. Bah, j'écoute tous les soirs, tu connais pas le pipeau, là? Mais non, mais en fait, je me couche tôt. Ah, oui, donc t'écoutes Fun Radio, mais t'écoutes pas l'émission. Bah bravo. Coup de pelle. Je m'endors avec Fun Radio. Voilà, bah bravo. Bah c'est encore plus. Ah oui, je suis réveillé toute la journée, mais dès que vous arrivez, je m'endors. Et bon. Attention, le pipeau, ce n'est pas une métaphore. Hein. Exactement. C'est un vrai pipeau avec regarde, des attends, il va te jouer un petit morceau là. Attends, t'es prêt? Ouais. Oui. T'es prête aussi? Oui. 3, 4, Polo, quand tu veux. Alors, est-ce que c'est beau ou pas pour toi? T'as vu ce qu'il a fait? Ouais. Oh, c'était magnifique. C'est quand même beau. Attends, c'est la classe. Liana, elle est pas sérieuse, elle. Bon, et puis comme chaque soir, on va faire le top tweetos également. Si vous ne connaissez pas encore le principe, on a une machine qui compte les tweets avec le hashtag MIKL. Et puis à la fin de l'émission, on donnera le top 5 de ceux qui ont été les plus actifs. Hier, beaucoup de nouveaux qui ont débarqué dans le top tweetos, dans le classement. Ouais. On va voir comment ça se passe ce soir. Donc, si vous voulez tenter d'être le numéro 1 du top tweetos ou en tout cas d'être dans les 5 premiers, à vous de jouer. Vous mettez le hashtag MIKL dans un maximum de messages dès maintenant. N'hésitez pas sur le Twitter, bien sûr. Côté son, est-ce qu'il y a un son que t'aimes bien en particulier, Liana? Showtek, Martin Garrix, enfin voilà quoi. Showtek, Martin Garrix, alors Showtek par exemple, allez au hasard, celui-là. Ah ouais, franchement, il est trop fort. Ah ouais, mais trop. Très bien, parfait. Bon, ben, je vais le mettre. Alors, comme Lucas, le patron de la radio, enfin le sous-patron en dessous de Jérôme, bien évidemment, évidemment, m'a dit qu'il fallait pas changer la prog, donc il fallait le prévenir. Donc, Showtek n'est pas dans la prog, je vais le mettre. Voilà, comme ça, il est prévenu. Donc, Liana, je te le mettrai tout à l'heure si tu veux, le son de Showtek. Ah oui, c'est génial, merci. Tu kifferais l'entendre? Ah ouais, mais trop. Eh ben, parfait, ben, je te le mettrai avec plaisir. Je te la mettrai, la chanson. Juste la chanson? Non, oui, juste la chanson parce qu'il est maqué. On écoutera aussi le nouveau son de Katy Perry, mon ex. Ah putain. Walking on Air. Voilà, Katy Perry, je vous calerai aussi Britney Spears, on l'avait demandé hier soir là quand on a eu plein de filles à l'antenne. Britney Spears avec Work Bitch. Ah ouais. Ah, il est bien aussi celui-là. Ou encore Global DJs. Le nouveau avec Kids. Aïe. Ah, ça va être bien ça. T'as vu, tu commences déjà à devenir tout émoustillé, n'est-il pas? Ah oui, trop. Ah, t'as vu. Bon, et puis j'irai des cadeaux aussi à vous offrir. Il y aura des écrans plats LED Full HD si vous voulez jouer avec nous. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes mardi et que le mardi c'est... S'il y en a qui sort ravioli, je lui mets ma main. Exclusivité. Non, c'est pas exclusivité. Non, le mardi, c'est le jeu de la rupture. Ah oui, ah, bien évidemment. Bah oui. On va jouer d'ailleurs tout à l'heure. Hein, si vous voulez jouer avec nous au jeu de la rupture, il y a des écrans plats Full HD LED à gagner. Il suffit d'appeler des gens. On va composer un numéro nous-mêmes au hasard. Et donc, si vous les appelez et que ça décroche, il faut avoir une discussion de rupture. Genre, vous appelez comme si c'était votre copine. Non, écoute, faut qu'on s'arrête. C'est plus possible, etc. Et il faut tenir un maximum de temps. Vous serez deux auditeurs et il va falloir tenir le plus longtemps des deux. Donc, si vous voulez jouer avec nous, vous appelez Sandro dès maintenant. 01 42 48 5000, écran plat Full HD à gagner. Et dans la colle, dans quelques instants également, il y aura bien sûr aussi la PlayStation 3 avec le jeu. Merde, putain, c'est un truc de ouf. J'arrive pas à le retenir depuis cet après-midi. Beyond Two Souls. Oui, Beyond Two Souls qui ne sortira que demain et qui est un jeu évidemment qu'on vous offre en rupture. En exclu. Ravioli. Oui, vous êtes sérieux? Tout ce que vous méritez, non mais sans déconner quoi. Bon, et avant de prendre Jordan dans un instant, Liana, nous allons revenir sur toi évidemment avec grand plaisir vu les mensurations que tu nous as données il y a quelques instants. Et non. Liana, non mais t'inquiète pas, on ne garde pas l'antenne uniquement parce que t'es bien volé, hein. Si. Ouais. Bon, un petit peu quand même, c'est vrai. Non mais c'est vrai, faut t'avouer, t'as moitié pardonné. Bon, c'est quoi ton truc avec la jalousie? C'est toi qui es jalouse ou c'est ton mec qui est jalouse? qui est jaloux, pardon. C'est moi qui a énormément de jalousie envers mon mec, en fait. Bon. C'est un truc de malade. Bon, écoute, on va en parler dans quelques minutes. Reste avec nous, je voudrais avoir déjà l'avis des autres aussi. Est-ce que vous êtes des filles jalouses ou des mecs jaloux? Tiens, appelez-nous maintenant, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. J'attends évidemment vos messages avec impatience. Ne bouge pas de la liana, on va prendre Jordan avec nous maintenant. Bonsoir Jordan. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Tranquille Jordan, sois le bienvenu, t'appelles d'Ille-et-Vilaine toi, Rennes, 35, bien ça? Ah non, c'est pas ça, non. Ah bon, t'appelles d'où? C'est ce qui a marqué dans le standard. De la Nièvre. De la Nièvre, ah oui, c'est calme, c'est à côté quoi. À droite. Ah, par rapport à New York. C'est la ville à côté quoi, on va pas chipoter dans le détail. Bon, et bah très bien, bravo à Sandro, un petit coup de pelle dans la gueule quand même. Non, ouais, lance. Voilà, c'est tout ce qu'elle mérite. Bon, Jordan, vas-y pour... Bah, il faut le refaire, là. Jordan, vas-y pour la colle. Tu vas peut-être repartir avec le PS3 et le jeu Beyond Two Souls, un jeu qui ne sortira que demain et qu'on t'offre donc en... Exclu. Merci, Sandro. Vas-y, Divité. Jordan, vas-y. Alors, la colle, c'est un mec et une femme foncent tout droit dans un tunnel. Ce tunnel est très sombre, alors ils allument une bougie. Et qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'ils font, c'est ça? Oui. Ah, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? D'accord, ok. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique pour repartir avec votre PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls, un jeu qui ne sortira que demain et qu'on vous offre en... Ravioli. Non, merde, en exclu. Oh là là, vous n'êtes pas doué ce soir. Bon, allez, la question, je vous la rappelle, la colle de Jordan. Un homme et une femme foncent tout droit... Dans un tunnel, personne ne suit. Dans un tunnel. Bon, ce tunnel est très sombre, alors forcément ils allument une bougie. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Je vous ai également mis l'énoncé sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Allez-y, allez voir et répondez à la question. Vous repartirez peut-être avec la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls. Vous envoyez simplement donc MIKL et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Jordan, tu restes avec nous? Ouais, pas de soucis. Très bien. Et donc, mon coup de gueule. Car oui, il y a un moment, il y en a marre. Il y a une meuf qui, effectivement, est grosse. Très grosse. Très grosse. Elle fait 280 kilos et elle s'appelle Christina. Elle le dit elle-même. Je suis grosse, sexy, belle. Bon, bref, voilà, elle est contente. Je mets la photo sur le Facebook en disant, tiens, bah justement... Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez les filles grosses, les filles minces ou les mecs, les tout maigres, etc. Et qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il faut pas lire? Des espèces de trous du cul qui arrivent. Ouais, pourquoi tu poses ça? C'est dégueulasse. La pauvre, elle a rien demandé. C'est comme si j'avais dit ouais, les grosses, elles ont pas le droit d'exister, ou c'est des moches, ou elle est moche. Regardez, elle se la ramène. Mais est-ce que vous êtes obligé de toujours râler sur tout? C'est et vive la France! Non mais c'est un truc que je me posais, c'est un truc de dingue. J'ai mis la... Bon, du coup je l'ai enlevé hein, parce qu'il y en a qui vont encore la signaler chez Facebook. Alors ils ont rien d'autre à foutre que de encore supprimer le truc et me casser les couilles pour 24 heures. Donc du coup je l'ai enlevé, c'est bon, vous m'avez saoulé. Mais quelle est la probabilité de toujours râler pour tout? Là j'ai mis une photo tout à l'heure, j'ai mis une photo où j'étais petit, bah allez la voir, hein. je l'ai mise sur le Facebook également. Oui, j'étais très petit, ouais. Donc il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, pourquoi tu mets pas des photos de toi quand t'étais petit? Bon bah voilà, c'est fait. Donc allez voir au passage facebook.com/MIKL officiel. Mais sans déconner quoi, sur la meuf qui était grosse, elle est grosse, elle dit qu'elle-même qu'elle est grosse et qu'elle est très contente comme ça. Je mets la photo en citant ce qu'elle dit, qu'elle est contente comme ça, et il y en a encore qui arrivent à râler en disant que je suis un enculé, que je mets la photo, que je me fous de sa gueule. Putain, j'ai rien dit quoi, c'est un truc de dingue. Donc voilà, bon bah si vous voulez vous aussi taper votre coup de gueule, surtout n'hésitez pas, prenez le contrôle, c'est ce que je viens de faire, sauf que moi j'ai le bras long, j'ai pas dû passer par le standard, hein. J'ai directement allumé le micro. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Liana, j'ai raison. Ah oui, tout à fait. Merci. Jordan, j'ai raison. Ouais, bien sûr. Bah, tu peux me dire va te faire enculer si tu veux. Hein. Non mais, n'hésite pas parce qu'on l'a dit souvent là. Tu es enculé, toi. Voilà, hein, tu vois, donc pas de problème à Jordan. Hein. Bon, restez avec nous tous les deux. On va revenir avec vous deux dans quelques minutes. On va s'écouter aussi le son d'Avicii. Le son d'Avicii avec Wake Me Up, et puis je vais saluer également tous ceux qui viennent de débarquer aussi sur le Facebook, sur le Twitter. Venez nous rejoindre de plus en plus nombreux. Merci à vous, on revient sur Fun Radio. Juste après ça, c'est Mickaël No Limit sur Fun jusqu'à 2h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Fun Radio présente les trophées du jeu vidéo. du 1er au 20 octobre. Rendez-vous sur funradio.fr et votez pour vos jeux vidéo préférés. Assassin's Creed, Just Dance 4, The Last of Us, Grid 2 et bien d'autres en compétition pour le trophée. Round 1, fight. Le grand gagnant sera dévoilé chez Michael No Limit lors de la soirée de lancement de la Paris Games Week le mardi 29 octobre en direct de la porte de Versailles. Get ready for the next battle. La radio des jeux vidéo. C'est Fun Radio. Ouais, on sera là-bas. On sera là-bas en direct. 23h, 2h. Michael No Limit. T'as à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, d'ailleurs, si vous voulez nous venir nous voir à Paris Games Week, on y sera d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, vous pouvez les voter aussi pour votre jeu vidéo préféré sur funradio.fr. On remettra le award. Voilà, ouais, attention, du meilleur jeu vidéo. Donc, si vous voulez venir, Paris Games Week, hein, vous allez voir sur funradio.fr. Toutes les infos y sont. Et puis, allez voter dès maintenant si vous voulez. N'hésitez pas. On va revenir en parlant jeu vidéo avec Jordan également. Hein, toujours avec sa colle. Un homme et une femme foncent tout droit dans un tunnel. Ce tunnel est très sombre, alors ils allument une bougie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64-900 par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien vous repartirez avec votre PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls. Alors il y a Antilope qui dit la bougie, c'est qui la tient, le mec ou la meuf? S'en branle, Antilope. Tigresse, c'est un indice. Tigresse qui dit, je peux avoir un petit message de bienvenue, s'il vous plaît. Ouais, allez, si tu veux, allez, vas-y, je te mets notre préféré là. Eh bah va te faire reculer toi, c'était notre appel d'hier soir, on en reparlera évidemment. Et en parlant d'appel, j'ai encore eu une idée pour Toff là, pour lui faire faire ses petits appels dans quelques instants là. Restez avec nous sur Fun Radio 23h16. C'est Mickaël No Limit dans toute la France en direct jusqu'à 2h du mat. C'est Avicii et Wake Me Up qu'on écoute maintenant. Bienvenue. C'est Fun Radio avec Avicii à l'instant, c'était Wake Me Up. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No Limit. Allez vous faire foutre. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, 23h20. Et Dieu sait qu'il y a eu des messages là. Salut Mickaël. Et moi, est-ce qu'on peut me saluer? Mais bien sûr. Ah bah voilà. Il y a Ludovic qui dit, s'il te plaît, je peux avoir un coup de pelle. Et continue tes coups de gueule comme ça. Ouais, non, mais c'est pas que je fais pas des coups de gueule pour par plaisir. Je fais un coup de gueule parce que vous m'avez vraiment saoulé. Il y a Miss Mello qui dit, Mickaël, tu as gagné des années de vie. Je m'explique, selon une étude réalisée. C'est pas des conneries. Oui, râler bon pour le moral. Je sais, j'en avais parlé sur le Facebook d'ailleurs. Râler haute voix permet d'augmenter son espérance de vie. Mort de rire. Ah bah merci, ouais. Miss Mello. Je vivrai Polo, plus il va vieux. Être centenaire. Ah bah lui, il va vivre. Mais c'est lui, ce sera le premier à vivre éternellement. Et c'est le seul qui veut pas d'ailleurs. Je suis un vampire. Ouais, c'est ça. Il y a Arnaud qui dit un petit message de bienvenue pour ma copine et moi, s'il vous plaît. Ouais, alors. Un bien sale. Ouais, mais un bien sale. Un bien sale, un bien sale. Notre ami Carolo. Ouais. Enculé de ta mère, t'es. Voilà. Il y a Elisabeth qui a dit salut. Je suis nouvelle, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue aussi? Oui, on va t'en mettre un message de bienvenue. Allez. Allez, vous foutre. Allez, oui, il avait oublié le verbe faire, c'est pas grave. Ayuso aussi qui dit, ne t'énerve pas comme ça, pense à ta tension, la santé avant tout. Eh, dis donc, Quentin, là, tu t'es fait au-dessus de ma gueule ou quoi? T'as cru que j'avais quoi? Hein, que j'avais 65 ans? Bah, 22 quand même. Ans et demi. Exactement. Lorraine qui dit, les gens se prennent souvent la tête pour rien, c'est n'importe quoi. Et Kawet qui dit, perso, j'ai râlé sur ta photo, mais seulement sur les débiles qui critiquaient cette femme. Non, mais voilà, après, il y a des trous du cul qui, effectivement, eux, ont été critiqués. Mais moi, pour le coup, j'avais rien fait. Bon, Gwendoline qui dit, ouais, c'est un plaisir de râler pour tous et les gens sont cons. Et Kawet qui dit, je suis jalouse et possessive. Si ça peut la rassurer, salut à toute l'équipe. C'est Amandine, je vous adore tous et franchement, ne changez pas. Je vous adore comme ça, merci, c'est gentil. Et puis, Let's Be Freaks qui dit, un petit coup de pelle. Exactement, ah ouais, voilà. Et tu peux le mettre pour moi dans sa gueule. Bien sûr. Ah ouais. Voilà, c'est fait, exactement, tout simplement. Bon, Stéphanie qui dit, Mickaël, full bordel dans la prod, quel rebelle. Et Cassandra qui dit, je vous écoute en direct de Québec. Ah bah, salut Québec, j'espère que ça va bien, hein, Québec. Comment va le caribou? Ah ouais, le cas. Bon, tu fais mal, hein, ouais, tu sais, pour le coup. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Ah oui, là, mais. Voilà, tout ce qui mérite également. Merci. Voilà, bon en tout cas merci et bienvenue tout le monde sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Venez également sur le Twitter de l'émission. Tous ceux qui me feront un follow, et eh bien je leur ferai un follow également. Donc on va se suivre. Vous tapez Mickaël_, donc la petite barre en bas, officiel, Mickaël_officiel sur Twitter. Vous venez nous faire un follow et moi aussi je vous ferai un follow. Il y a Basile qui dit aussi, j'ai trouvé ton sosie Mickaël. Il est allemand, c'est l'assistant de la prof. Putain, j'ai cru que c'était toi, mais j'ai été déçu. Ah ouais, bah oui, ouais, mais fais une photo et envoie-moi ça. Et puis Tigresse qui dit, je suis tombée amoureuse de cette émission. Oh, merci Tigresse. C'est mignon. Mais oui, évidemment que nous aussi, on est contents que tu sois avec nous. Le jeu de la rupture, c'est dans quelques minutes sur Fun Radio. On va récupérer Liana avant toute chose. Liana, t'es là? Oui, je suis là. Très bien. Bon, alors, Liana donc qui nous avait appelé parce que en gros, elle est hyper jalouse, c'est bien ça? Oui, exactement. Et ça te pose un problème? Ah oui, ça bouffe ma vie, ça c'est un truc de fou quoi, j'en peux plus. Ah ouais, j'imagine, genre tu fais des crises à ton mec? Mais des crises, ouais, même plus que ça. Genre, quoi, imagine, Liana, je suis ton mec. J'arrive, donc là on est tranquille, hein, on est bon, à la cool. Ouais, toi t'es chez toi et je sais pas moi, je sonne. Oui. Voilà, donc là évidemment tu ouvres. Voilà, salut ma chérie, donc là on se roule un patin. D'accord. Ah, quelle horreur. Oui, j'avais pas le bruit du patin, donc Toff a dû m'aider évidemment. Alors on se roule un patin et puis là évidemment comme je suis tellement beau, tu rêves de mon corps, tu as envie de moi, je te dis non, je te repousse bien sûr un petit peu quand même, histoire d'être un minimum. Je m'emballe, c'est pas le sujet. Et donc à un moment je te dis ah putain, tu sais quoi, j'ai vu Jennifer, mon ex. Ah putain, elle a changé, elle est mieux qu'avant. Hein. Ah mais là c'est clair, c'est je t'en fous une dans ta gueule et ah non c'est non, je te mets des droites. Ah oui, non mais t'es sérieuse là? Mais tu tapes ton mec? Oui. Ah mais oui, en fait il regarde une femme, pour moi c'est comme s'il me trahissait en fait. Non, mais... je lui fous des droites ou des claques dans sa tête. Non mais attends, des droites genre le poing bien fermé et tu tapes ou dedans. Tu lui mets une claque. Toff, pour te montrer tu lui mets une. Attends, Liana, donc juste poing bien fermé ou juste claque? Ça dépend, des fois les deux quoi. Ah bah montre avant. Non. Si vas-y. Savoir vas-y. Ce que c'était. Non vas-y, oh, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, reste là. Attendez. Refaites le truc. Voilà, Toff il arrive, non. Il entre, il dit ah putain j'ai vu Jennifer, elle est vachement bien. Quoi? T'as regardé? Allez. Tends la joue. Il a peur. Bon attendez. Merde, j'ai pas vu, putain. Claqué de fou. Oh c'est dommage. Bon Liana, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais après, comment, c'est, je veux dire, il a pas regardé d'autres filles, quoi. Comme tout à l'heure, il y a eu les Ch'tis à Las Vegas, ou Hollywood, voilà, merci. Ouais. Et ben, je veux dire, il a regardé une femme à la télé qui faisait, je sais pas, de la pub avec Vincent. Et ben, non, je lui dis, tu regardes pas la femme, il l'a regardé, j'ai fait une crise d'angoisse et je suis craché dessus et tout. Quoi? Ah, mais oui. T'es pas sérieuse? Non, mais moi, je ne supporte pas. Mais t'as peur de quoi, qu'il se barre avec la télé? Non, mais en fait j'ai eu un grand amour auparavant et en fait il m'a fait énormément de mal et pour moi j'oublie pas. Non mais d'accord, mais tous les mecs sont pas pareils. Attends, je reprends encore. Bah je sais qu'il y en a qui vont gueuler. Je reprends l'exemple d'une voiture. C'est pas parce que t'achètes une voiture qui est une poubelle qui tombe en panne tout le temps que d'office celle que tu vas acheter après sera de nouveau une poubelle. Non mais c'est sûr, les mecs sont pas tous pareils ou quoi que ce soit. Ah bah tu le prouves bien là. Hein. Oui, non, mais bah non, pour moi, il regarde une autre femme, en fait, je revois l'image qui s'était passée auparavant. Attends, on reprend un autre exemple. Toff. Attends, non, même pas. Ah. T'es au restaurant, t'arrives au restaurant, hop. Restaurant bien, quoi, tu vois, il y a un peu de tout, etc. Monsieur, c'est pour manger? Oui, je vais manger, effectivement, je vais venir. Oui, bah merci beaucoup, là, 14, je préfère. Non? Oui, je veux. Non, au cas où, il y a des gens qui arrivent. Non, j'en ai rien à foutre, je veux prendre la 14. Très bien, installez-vous, monsieur. Ah bah merci. Bon, et donc, qu'est-ce du coup. Commerce en ce polo. Et donc, du coup, il y a un moment, tu me dis, ah bah oui, je suis. Bon, comme toutes les meufs, à un moment, ah bah je suis au régime, d'accord. Est-ce que parce que t'es au régime, tu ne peux pas regarder la carte? Bah ouais, non. Bah voilà, et bah là, ton mec, il est casé, ça n'empêche pas de regarder les belles meufs, quel est le problème? Oui, mais la carte au resto, on évite de la regarder parce que sinon, ça donne envie. Oui, bah voilà, et alors merci. Bah voilà. Mais c'est bah, quel qu'il est relou. Mais c'est pas parce que ça donne envie. Et alors, moi, c'est pas parce que je suis avec une meuf. Je vois une meuf passer, je la regarde, elle est jolie. Alors quoi? Et bah quoi? Attends, regarde. Hey, moi, j'ai une Golf. C'est pas parce que je vois une Ferrari à côté que ma Golf, elle va tirer la gueule. Bah non. Ouais, mais pour moi, s'il regarde une autre femme, en fait, s'il la trouve plus belle que moi et tout. Et alors? Mais non, ça n'a rien à voir. Et là, il va se dire, de toute façon, j'ai aucune chance, je suis trop moche. Et bah, je vais rester avec mon cajot. Tu vois? Ouais. Merde, non, pardon, excusez-moi, l'excuse était mauvaise. Mais la meuf, il la regarde juste, mais toi, il t'aime, il est amoureux de toi, il a des sentiments pour toi. Ah, mais c'est sûr, faut voir tout ce qu'il fait pour moi, quoi, c'est un truc de fou, mais bon, moi, je supporte pas si c'est comme ça. Bon. Liana, pardon. Oui. On va en parler dans quelques minutes. J'aimerais voir la vie des filles et des mecs aussi. 01 42 48 5000, appelez-nous, mesdemoiselles et messieurs, je vous attends. Il y a Sandro qui vous attend au standard. Donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Alors méfiez-vous parce que parfois quand vous appelez au standard, Sandro peut changer de voix. Ça peut être. Fun Radio, bonsoir. Donc c'est elle également. Hein. Ouais. Donc, vous inquiétez pas, il y a qu'une seule personne. C'est moi. Voilà, exactement. Donc il y a deux Fun Radio, bonsoir. Il y a le Fun Radio, bonsoir comme ça. Fun Radio, bonsoir. Et quand elle est en mode couille, ça donne ça. Fun Radio, bonsoir. Voilà. C'est la même personne. Hein. C'est juste que parfois elle dédouble sa personnalité, parfois elle se prend pour un mec. Bon, voilà, c'est la bipolarité, c'est pas grave. Exactement. Mais donc rassurez-vous. Donc vous pouvez appeler le standard. N'hésitez pas surtout si vous voulez entendre ça. Bon, Liana, t'es tombée sur le Sandro mec ou le Sandro meuf, toi? Sandro, meuf. Meuf, d'accord, ok. Bah, t'auras peut-être le mec après, va savoir. Ouais. Bon, reste avec nous, Liana, d'accord ? Oui, d'accord, pas de soucis. Bon, bouge pas de là. Et puis, on va se refaire la colle aussi dans quelques minutes. Et avant ça, ah bah tiens, justement, est-ce que. Alors, tu vas me dire ça aussi, tiens, Liana, est-ce que tu gardes tes chaussettes pendant que tu fais l'amour ? Non. Jamais ? Non. Ça t'arrive jamais ? Jamais. Non, parce que selon des chercheurs hollandais qui n'avaient rien à faire apparemment, 80% des femmes qui portent des chaussettes pendant l'amour ont un orgasme alors qu'elles ne sont que 50% quand elles sont pieds nus. Ah bah voilà, moi j'ai toujours dit qu'il fallait garder les chaussettes. Bah ouais, donc venez nous dire comment ça se passe chez vous. Et puis bah tof, du coup on peut peut-être éventuellement appeler le père de Justine. Justine qu'on a avec nous, tiens, t'es là Justine ? Ouais, je suis là. Ça va bien ? Ça va et toi ? Bah oui, Justine qu'on a eu hier en fin d'émission, qui a de bonnes mensurations, si mes souvenirs sont bons. Très très bonne mensuration. Alors, voilà. Donc 1m63, 65 kg, 95 B et 42 pantalons, si je me souviens bien. C'est ça, Justine ? Non, 36 de pantalons. Ah, 36. Pardon, c'est 85 B et 36 de pantalons. Ah voilà, excusez-moi. Ah bah oui, mais enfin bon, un coup de pelle, tiens. Voilà, c'est sérieux, c'est ce que je bon, et donc, oui, mais je m'étais trompé de ligne. Oui, bah voilà. Et donc, du coup, Justine, tu nous avais donné le numéro de ton père en disant, bah appelez-le, vous allez voir, il est relou et il le mérite. Donc, on l'avait appelé, on l'avait appelé, et c'est un monsieur très charmant sur lequel nous sommes tombés. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait de me faire chier ? Bah voilà, c'est ça, très gentil. Eh bah, va te faire enculer, toi. Eh ben, c'est ça, très gentil. Hein. Va te faire enculer. Donc... Il est pas très. Enfin, surtout, il est un peu obsédé au niveau du cul. Donc, si vous lui parlez de cul. Eh ben, on va le rappeler dans un instant pour de nouvelles questions. Ça marche. Bah parfait, bah bouge pas de là surtout. Bouge pas de là, on va les appeler dans un instant. Et si vous avez des numéros de téléphone de gens qui seraient encore debout à cette heure-ci, et puis surtout un peu comme le père de Justine quoi. Voilà, gentil, agréable. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait me faire chier ? Voilà. Et bah n'hésitez pas évidemment à donner tous vos numéros. Vous allez envoyer un mail à sandro@funradio.fr. sandro@funradio.fr. On reparle avec Liana de la jalousie dans quelques minutes, Justine également. Et puis on prendra Laura et Sarah pour jouer dans quelques minutes. Ce sera au jeu de la rupture, juste après Calvin Harris, Thinking About You sur Fun Radio. Calvin Harris sur Fun Radio, Thinking About You. Il y a Jen qui dit merde, Mickaël à la Paris Games Week le 29 octobre et moi j'y serai le 1er novembre, tu peux pas prolonger. Ah bah non, Jen, putain, tu peux pas venir plus tôt toi ? C'est quand même plus facile que tu viennes plus tôt que nous, on reste au bordel là. Bah oui. Sur place. Non, mais c'est très bien, Jen, là. Essaye de venir quand même. Ça me ferait plaisir de te voir. Il y a Julie aussi qui dit la meuf frappe et crache sur son mec parce qu'il regarde une nana à la télé. Non, mais sérieux. Oui, j'avoue aussi. Il y a Clara qui dit elle va finir par perdre son mec. Il y a Nanou qui dit ouais, tous les mecs sont pareils. Vous avez tous une bite qui se lève pour laisser les filles passer soi-disant. Donc stop, mais n'importe quoi, Nanou. Alors oh c'est comme si je disais ouais, toutes les meufs sont pareilles. Vous avez toutes les tétons qui pointent dès que vous voyez un mec beau passer. C'est pareil, c'est pas vrai. Il y a Nicolas qui dit je suis un petit nouveau, message de bienvenue s'il te plaît, en même temps un coup de pelle suivi de tout ce que tu veux. Oui, alors si tu veux, attends, j'en ai un beau pour toi, un message de bienvenue là, attention. Vas-y, va te faire enculer, connard. Voilà, un coup de pelle et une claque et même Tof qui lève la jambe. Voilà. La totale. Ça, tout est là. GTR qui dit doit fuir sa meuf, le pauvre garçon, il se fait taper, c'est clair. On va reparler avec Liana dans quelques minutes. Avant ça, on accueille à nouveau Jordan. Jordan, t'es de nouveau là ? Ouais, je suis toujours là. Ouais. Parfait. On va se faire maintenant la colle. Allez, c'est parti. La colle, c'est maintenant sur Fun Radio. Le principe est simple. Il y a Jordan qui a une colle pour vous. Si vous avez la bonne réponse, eh bien, il faut envoyer la réponse. Vous envoyez M-I-K-L par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Vas-y pour la colle. Ouais, donc c'est un homme et une femme qui foncent tout droit dans un tunnel. Ce tunnel est très sombre. Ils allument alors une bougie. À votre avis, qu'est-ce qu'ils font ? Voilà, si vous avez la bonne réponse, donc un homme et une femme foncent tout droit dans un tunnel. Ce tunnel est très sombre, alors ils allument une bougie et qu'est-ce qu'ils font ? Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M.I.K.L. espace la réponse au 64-900 par SMS ou au 63-22 pour la Belgique. Et vous pouvez également lire la colle et y répondre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M.I.K.L.officiel. Il y a Emily qui dit salut M.I.K.L., super entre trop cool. Ben merci, c'est Emily, je suppose que c'est un compliment. Il souffle sur la bougie, c'est Emily qui proposait ça. Non. Il y a Grégory qui proposait la cire. Non. Il traverse le tunnel. Non. Ils font l'amour. Non. Ils visitent le tunnel. Bah oui, un beau tunnel, dis donc. Oh, regarde comme il est beau le tunnel. Viens, on va visiter pour voir ce qui se passe. Oui, allons-y. Non. C'est pas la visite ? Non, toujours. Non, Michel qui proposait du sperme pour la réponse. Non, non. Non plus. Bon, bah très bien. Si vous avez la bonne réponse, donc M-I-K-L, espace la réponse. M-I-K-L, les 4 lettres. Hein. M-I-K-L, espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Un homme et une femme foncent tout droit dans un tunnel. Ce tunnel est très sombre. Ils allument donc une bougie. Et qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Bonne réponse au 64 900 ou au 63 22 par la Belgique en débutant le message par M-I-K-L. On te récupère tout à l'heure, Jordan. Ouais, pas de soucis. Eh bah, bouge pas de là. Et je rappelle qu'il y a la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qui est à gagner. Beyond Two Souls qui ne sortira que demain et qu'on vous offre depuis la semaine dernière en exclu. Exactement, voilà. Allez, bonne chance tout le monde. Il y a Katy Perry qui arrivera aussi avec Walking on Air dans quelques minutes. Et puisque vous vouliez en savoir plus sur moi, effectivement, c'était mon ex. Et la preuve est sur le Facebook. On a mis la photo la semaine dernière. La photo de Katy Perry et de moi. Voilà. Certes, ça n'a pas duré longtemps, mais bon, elle m'a saoulé, maman. C'est une belle histoire. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Ça aurait pu être quelque chose de plus long, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'est pas très grave, je m'en suis remis. Bon, elle boit. Ouais, oui. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les choses qui arrivent. Elle a beaucoup pleuré. Bah, ça, c'est sûr. Elle m'appelait tous les week-ends. Il y a Laura et Sarah. L'autre, c'est vrai. Il y a Laura et Sarah qui sont avec nous. Bonsoir, les filles. Salut. Comment ça va? Bonsoir. En forme? Enfin. Bon, tant mieux. Laura, 23 ans, t'appelles du 95 dans le Val d'Oise. Oui. Et Sarah, 21 ans, t'appelles de Lille, Nord, 5-9. Ouais. Très bien, on va jouer au jeu de la rupture. Le principe est très simple. Vous allez jouer pour repartir avec un écran plat. Écran plat LED Full HD que vous allez pouvoir choper. Pour ça, il va falloir être bon ou bonne, enfin bonne en l'occurrence. On va appeler quelqu'un au hasard. Qui veut commencer, Laura ou Sarah? Je dis Laura. Allez, non, moi je suis celle qui a les plus gros seins. Alors, Laura, combien mesures-tu? Oh non, tu verras après. On n'a pas le temps. Bon, vas-y, Laura. Attention, on y va. Premier appel, allez. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Allez, c'est parti. On appelle quelqu'un au hasard maintenant. Celui qui va répondre ou celle qui va répondre. Il faut que tu arrives à lui faire une conversation de rupture. Ok? Ouais. Donc, comme si tu quittais ton mec ou ta meuf, on sait pas très bien en fait au final. On appelle dès que tu n'entends plus de musique ou que ça sonne plus, c'est à toi, il faut y aller. Hein, parce que parfois les gens décrochent et ne parlent pas. Donc vas-y. Parfois on n'a pas de bol et ça décroche pas non plus. Ça décroche pas? Bah on va voir. Là c'est mal barré là, je t'avoue. Ah. Merde, attends, j'appelle un deuxième en même temps. Ça va aller. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? C'est important. C'est qui? Bah, c'est moi. En fait, j'ai vraiment quelque chose d'important à dire, donc est-ce que tu peux m'écouter, s'il te plaît? Oui, si tu veux. En fait, je voulais dire que... L'agence. Tu sais, la dernière fois, quand on s'est vus, en fait, j'étais pas trop à l'aise, tu vois. Et ce que je voulais te dire, c'est que, en fait, avec le temps, bah, je me suis rendu compte que nous deux, ça pouvait pas trop coller, quoi. D'accord. Par contre, tu t'es peut-être un peu trompé de numéro, je pense. Non, je me suis pas trompé de numéro. Ah, bon. C'est toi qui me reconnais pas, alors. Bah, écoute, il se trouve que je suis homo, donc j'ai dû avoir un problème. Bah, écoute, non, tu n'es pas homo. Ah bon? Parce que, est-ce que t'étais, à la soirée chez Julien le week-end dernier? Non, il a raccroché non, en même temps, il fallait faire une discussion non-stop. Hein. Bon, là, heureusement, il a raccroché juste quand t'as commencé à dévier pour voir où il était. En plus, il est homo. Ça fait combien de secondes, ça t'offre, du coup? Ça fait 58, je crois, non? Ouais, j'allais dire une minute, moi. Ouais, mais bah, 58 secondes. Bon, on y va, Sarah, à toi de battre 58 secondes. Il y aura la deuxième manche juste après. Dès que t'as plus de musique ou que ça sonne plus, c'est à toi. Ouais. Allez, bonne chance, Sarah. Merci. Et ne souffle pas dans ton téléphone comme ça, Sarah. Oui. Allô? Ouais, ça va? Vous vous trompez de numéro, madame. Bah écoute, tu m'as pas reconnu. Allô? Ouais, tu m'entends? Vous vous trompez de numéro. Merci. Bah, pourquoi tu me dis ça? Vous savez avec qui vous parlez? Toi, tu m'as pas reconnu. Bonne journée. Hein, dormez. Non, mais écoute. Eh ben voilà, 30 secondes. 30 secondes, Sarah. Pas terrible, hein. Pas terrible, pas terrible. Bon, ben restez là, on fait la deuxième partie dans quelques minutes. Restez sur Fun Radio, on revient avec le son de Katy Perry dans un instant. On sera Walking on Air sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est jusqu'à 2h avec la suite de La Rupture. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No Limit. Allez vous faire foutre. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, 23h46, Mickaël No Limit. Il se passe enfin quelque chose le soir à la radio. Alors venez, prévenez vos potes, 23h, 2h, on est là toute la semaine. Et bien sûr aussi, tout à fait, pendant le week-end, le dimanche, 20h minuit. 20h minuit sur Fun Radio, on parle de jalousie. Dans quelques minutes, le retour avec Liana, t'es toujours là ma belle? Oui, toujours. Très bien, on aura aussi Justine là, et on va appeler son père dans quelques instants pour lui demander s'il fait l'amour avec des chaussettes. Ah, si sa femme garde des chaussettes. Sa femme met des chaussettes, effectivement. Hein, Justine, hein, ta mère elle met des chaussettes ou pas pendant qu'elle fait l'amour? Mais ils sont plus ensemble. Ah. Bon bah c'est pas grave, on lui posera la question quand même. Il est avec quelqu'un d'autre? Non, il est tout seul. Bon bah on va l'appeler quand même, c'est pas grave. Et puis Laura et Sarah également pour le battle avec La Rupture. Hein, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Surtout pour toi Laura, puisque t'as fait un meilleur score, hein, autant dire les choses. Hein. Voilà, donc on en parle dans quelques minutes. La suite de La Rupture avec Sarah et avec Laura, ce sera dans un instant sur Fun Radio. Restez bien là, on va s'écouter le nouveau Katy Perry maintenant sur Fun Radio à 23h47. Il n'y a plus de pub jusqu'à l'arrivée de Bruno tout à l'heure. On écoute Walking on Air sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio avec le nouveau Katy Perry. À l'instant, ouais. C'était Walking on Air. Puis restez bien là, il y a aussi Will.i.am dans quelques minutes. Will.i.am et Miley Cyrus, ce sera Fall Down. Et puis on aura aussi Britney Spears avec Work Bitch. Hey, tu vas le remixer ou pas? Ah peut-être. Ah, peut-être que je le remixerai avec nos amis qui nous insultent assez régulièrement. Grand DJ, Party ouais, Fun exactement. Avec bientôt DJ résident dans le Party Fun. Et puis à mon avis je mixerai également au Starfloor avec Basto. Non parce que Baston sera là également, je serai là aussi, je pense qu'on va faire un duo. Ouais, voilà. Tu vas cartonner, ça va être énorme. Ça va être énorme effectivement, surtout pour moi. C'est vrai. Non, c'est pour Basto, faire un duo avec toi, je crois que c'est la consécration de sa carrière. Non, c'est vrai, t'as raison. Voilà, c'est ce qui arrivera tout à l'heure. Et si vous voulez écouter des sons en particulier, hashtag et Mickaël, allez-y demander. Mais Gomi qui dit Polo, il y a moyen que tu nous joues autre chose qu'au Pipo car c'est toujours pareil. Voilà, un peu dans la merde là. Bah écoute, on va essayer, il faut qu'il l'apprenne un peu, hein, voilà. C'est ça aussi. Hein. Elle chante bien ton ex Mickaël. Merci Camille. Ouais non, mais chantez bien, ça y a pas de problème. Hein. Il y a Princess of Ice qui dit allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Exactement, merci Princess of Ice. Et puis Megumi qui dit moi je mets pas de chaussettes pendant l'amour. Qu'est-ce qu'il y a l'autre Lilou qui dit faire l'amour en chaussettes, ben au moins t'as pas froid aux pieds, note. Oui c'est pas vrai, c'est pas faux. Et encore Megumi qui dit je préfère un mec qui regarde et limite fantasme un peu. Mais me trompe pas. Oui, mais voilà, c'est ça. Et moi, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a aucun souci, je trouve, par rapport à la jalousie. On en reparle avec Liana dans quelques minutes. Avant ça, on va d'abord terminer le jeu de la rupture. Pour l'instant, Laura est en première position. 58 secondes, tu as tenu, Laura. Et Sarah, tu n'as tenu que 30 secondes. Bouh ! Ouais, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Je rappelle qu'il y a un écran plat à la clé, écran plat Full HD LED que vous allez pouvoir mettre dans le salon, la chambre, la cuisine, peu importe, on s'en fout. Et surtout, et ça va vous faire plaisir à votre mec ou à votre cop ou à vous Laura, Sarah? Ah moi ça me fait plaisir à moi. Pourquoi vous êtes célibataires toutes les deux? Ouais. Non, je suis mariée mais à moi. Ah Sarah, t'es mariée, 21 ans toi. Donc, ouais. En même temps ça arrange plutôt tof hein, parce que Laura est tout près de la radio. Mais oui, je préfère. Alors Laura, combien mesures-tu? 1m63, 52 kilos, je suis 1,36, je suis 1,90. Elle enchaîne le dos, c'est directement, elle a compris. Hein, ça, c'est une vraie meuf. Pas de problème, t'inquiète. Alors, moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Pas, ouais. L'avantage avec Laura, c'est que du coup, on a moins dû entendre la voix dégueulasse de Toff. Ouais. Mais du coup, si elle veut, je viens immédiatement m'occuper d'elle. Et ça, dans un pieu, c'est bon parce que ça prend les devants, ça fait c'est tout. Clair. Quoi. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est clair. Bon, ça, on va quand même vérifier pour Sarah si on passe à côté de quelque chose ou pas, Toff. Hein. Alors, Sarah, combien mesures-tu? Voilà, tu vois, il faut réclamer. Combien mesures-tu, Sarah? 1m60 les bras levés. D'accord, combien pèses-tu? 58 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Ah non. Ah bah non. Allez. Ah si. Ah si, Laura l'a donné. Bah et alors t'es marié, on s'en fout, on va pas te baiser. Non mais c'est vrai, mais c'est oui. Pas grave. Au pire, une branlette espagnole, mais pas plus. Non, merci Toff. Ah, bah. 90C. Voilà, tu vois, 90C. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 36. Voilà. Bonne. Bon alors on en a deux là. Bonne. 2,90, on est bien. On est bonne. Bien là. On est plutôt bien installé. Bonne. Ah ouais, ouais, ouais. Ça fait deux, c'est bonne, bien, ouais. Bonne. Bonne, bonne, bonne. Bonne. Voilà, bon allez, on va jouer ensemble donc Sarah et Laura, la suite maintenant. Donc Laura t'avais fait donc comme je le disais 58 secondes, Sarah tu n'avais fait que 30 secondes. Qui veut commencer? Bah tout en même temps surtout. Hein. Bah, bon allez, on va faire Sarah pour voir si on achève le suspense ou pas. D'accord? Ouais. Bon Sarah, on y va. Oui, on va demander à Valentin effectivement si ce qu'il en pense. En même temps, on n'a pas besoin de son avis, je viens de décider. D'accord, voilà. D'accord. Bon, on y va. Sarah, c'est parti. On appelle quelqu'un, même règle que là tout de suite. Si tu arrives à tenir plus de 58 secondes, tu risques de gagner. D'accord? Si tu tiens moins que 58 secondes, eh ben, ce sera automatiquement Laura qui aura gagné, évidemment, puisqu'on tient en compte le meilleur résultat. D'accord? Yeah. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Sarah, je te souhaite bonne chance. Discussion donc de rupture. Dès que tu n'entends plus la musique ou des sonneries, c'est que quelqu'un a décroché. Et il faut dire allô parce que parfois des abrutis décrochent et ne disent pas allô. Allez. Et Toff pourra éventuellement, si jamais c'est Laura qui gagne, la livrer le plus rapidement. Mais bien sûr, personnellement. Tout à fait. Et quelle chance est là. Je trouve aussi. Mais oui, trop de chance. Bon, on appelle un autre, là, ça décroche pas, c'est pas grave. Sarah, attention, sois toujours au taquet, sois prête. Ça va, qu'on a... C'est toujours comme ça. Ouais. À 23h55, on a toujours la poisse. Mais t'as qu'à m'appeler. Ah bah oui, c'est une idée, tiens. Zéro. Bon. Eh bon, on va en appeler un autre, hein, c'est pas grave. Allez hop, on enchaîne. Ça va bien finir par décrocher. Hein. Toujours là, Sarah. Sarah. Oui. Sarah, t'es pas sérieuse là. Décroche, parle. Allô. J'entends plus rien. Allô. Allô. C'est qui là? Oui, c'est moi. Faut qu'on se voit, hein. C'est plus possible hein, cette situation. Hein. Franchement, j'ai beau réfléchir, mais je suis pas bien là. Hein. Ton comportement, il a trop changé. Même mes parents l'ont aperçu. T'as vu ça? C'est qui là, par exemple? Tu m'as pas reconnu, c'est moi. T'as vu? Non, non, non. T'es-tu reconnu même pas ma voix? Franchement, t'as trop changé. Hein. Je pensais que t'étais l'amour de ma vie et tout ça, mais là, c'est... Non, franchement, là, c'est trop... Non, c'est fini. Hein. Franchement, c'est fini. C'est plus possible. T'as trop changé. Tu squattes trop avec tes potes. Non, mais là, franchement, t'abuses. Je te jure que t'abuses. Pendant 3 ans qu'on était ensemble et tu me fais des trucs comme ça. Franchement, t'es grave. Je t'assure que t'es grave. Hein. T'as fait... Tu préfères plus squatter avec tes potes qu'avec moi. Il est toujours là. Allô? Non mais c'est quoi ce délire? Non, c'est pourquoi tu fais style de pas comprendre? Franchement, pourquoi tu fais style de pas comprendre? Arrête! Alors tu pensais pas que j'étais la femme de ta vie? Non mais là vous avez fait erreur de numéro de téléphone. C'est quoi? C'était encore avec tes potes là, c'est ça? C'est tu peux pas parler devant eux? Bon, Laura la barre devient haute là. C'est ça, c'est t'as rien à dire là maintenant. 1,45. Mais pour te dire à ma mère, si je suis partie chez elle tout à l'heure, elle a vu que j'étais pas dedans. Attends, merde pas, il a raccroché pas ça. Mal. Pas mal. Eh, retournement de situation. Ouais. Laura. J'avoue, là, elle a tiré, là. 1 minute 48, Laura, là. Hein. Ah là là. Bon, Laura, on va appeler donc le dernier mec dans le standard ou la dernière meuf. À toi de faire plus qu'une minute 48, sinon ce sera perdu pour toi, Laura. Ok. Et Toff ne pourra pas venir te faire la livraison à domicile. Oh, je serais très déçu, Laura. Donc il fera également, t'inquiète pas, il fera le réglage des chaînes également. Hein. Bien sûr. Voilà, il fera l'installation complète. Ah, Je ne te mettrai que les chaînes de Dorsel. Voilà. Bon, on y va, Laura, c'est parti. On appelle, bonne chance. Sarah, tu restes dans le standard pour l'instant. C'est toi qui repars avec l'écran. Écran plat, full HD LED. On y va si Laura fait plus. Minute. Merde. Bon, je me suis fait griller là. Il a décroché pendant que j'étais en train de parler. Donc on en appelle un autre, Laura. Ouais, sinon t'auras pas eu de chance. Il aurait de toute façon raccroché rapidos. Donc si tu fais plus d'une minute 48, c'est toi qui gagne, Laura. Vas-y, bonne chance. Merci. Allez. Allô. Allô. Oui. Ouais. Yes. Je suis désolée de t'appeler à ce soir-là, mais en fait, ça va? C'est qui? Bah c'est moi. Je viens de t'envoyer un message là. Tu viens de m'envoyer un message? Ouais. Je viens de t'envoyer un message. Je crois que tu t'es planté de numéro. Non, je me suis pas plantée. Je viens de t'envoyer un message et je voulais te parler, mais bon, si tu veux pas qu'on se parle, il n'y a pas de souci. Après, c'est à toi de voir si tu veux vraiment qu'on se parle et écouter les choses que j'ai à te dire. Comment tu t'appelles? Bah, Laura. Laura? Ouais. Laura comment? Parce que moi, ici, c'est Corentin, à l'autre bout du fil. Là. Oui, je sais que c'est toi, Corentin. Mais je t'ai envoyé un message il y a à peu près 10 minutes. Tout seul. J'avais des choses à te dire. Je sais pas si tu as reçu mon message déjà pour commencer. Non. Ok. Bon, bah écoute. Déjà, je te disais que, en fait, tu sais, quand on s'est vu la semaine dernière, mercredi dernier. Ouais. T'en souviens ou pas? Quand on s'est vu mercredi dernier. On a fait quoi mercredi dernier? Mercredi dernier, on s'est vu, t'étais parti faire les magasins et tout. Je t'ai vu dans la galerie. Comment? Je t'ai vu dans la galerie. Je crois que tu te trompes, hein, parce que j'étais... Non. Je t'ai pas vu mercredi dernier. Enfin, je savais déjà comment tu t'appelais. Elle gère. Tu vois, des Corentins, en plus, il n'y en a pas 36 000 sur Terre, donc... Donc voilà. Je sais que c'est toi, mais est-ce que tu penses que tu t'appelles de moi déjà? C'est moi qui ai donné mon prénom en premier, donc c'est des conneries. Alors maintenant, tu veux... C'est des conneries. C'est moi qui te donne. Non, je te promets que je t'ai donné mon conneries. Prénom en premier. Donc mais maintenant, je t'ai donné le mien. J'ai gens à pas avec toi, le soir, une feuille de taf. Donc, t'as appelé, non, je sais, je suis désolée de te déranger. Je t'ai appelé, je t'ai déjà dit, est-ce que je te dérange? Ça te dérange pas si je peux te parler? Après, je t'ai dit, je m'appelle Laura quand tu m'as dit ton prénom. Il est parti Laura, il est parti. Aïe. Sarah. Pas mal. Sarah. Ouais. 2 minutes 28 Laura, bravo. Bravo. Merci. Ouais. Trop bien. Je pensais pas que je tenais autant. Ah ouais Laura, hein. Mais c'est ce que beaucoup de mecs disent aussi, hein. Putain, je pensais pas que je tenais autant. Voilà, hein. Oh là, pas mal. C'est bon, cela dit Sarah, t'as bien joué aussi, faut dire les choses, c'est vrai. T'as quand même été top. Non mais t'as quand même été pas mal. C'est vrai que t'as quand même retournement de situation. Première manche, t'as pas été très bonne. Deuxième manche, t'as quand même bien géré. Parce qu'une minute 48 c'est bien. Et puis bah Laura évidemment, elle t'a achevé d'un coup de pelle. Et oui, sur la dernière ligne droite. Tout à fait, dernière ligne droite, elle t'a mis au tapis. Bon bah ça arrive. Sarah, on va quand même te filer un pack fun. Je te fais encore en tout cas des gros bisous. Ouais, moi aussi. Et merci d'avoir joué avec nous. Et puis bien sûr, tu reviens jouer avec nous quand tu veux. D'accord? Changez pas, hein. Ah bah t'inquiète pas, on compte pas là. Y'a pas de, pas de soucis. D'ailleurs, tu veux un petit message de bienvenue? Ouais, bah ouais. Un petit message de bienvenue, t'en veux un ou pas? Vas-y. Allez, attends. Ouh, j'en ai un violent. Tu veux un violent ou pas? Ouais, violent. D'accord. Je t'encule. Toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà. Ah oui, violent. Hein. Ah bah t'as voulu un violent. T'as eu un violent. Hein. Je te fais des bisous, Sarah. De quoi, Sarah? Je peux faire une petite dédicace? Allez, vas-y, t'auras gagné ça au moins, vas-y. Une petite dédicace pour mon grand frère Abdenour. D'accord. Qui est obligé, là, qui est en train de m'écouter, là. Très bien. Et à ma grande sœur et à mon beau-frère Saïd. Très bien. Eh ben, le message est passé, y a pas de problème. Salut Sarah, gros bisous à toi. Et Laura, bah, bravo à toi. Ça y est, la télé, elle est pour toi, l'écran plat full HD. Ouais. LED. Alors, est-ce que tu préfères attendre qu'un professionnel vienne ou que Toff prenne sa mobilette? Merde, pardon, je me suis engueulé. On vient avec l'écran plat. Qu'il prenne sa mobilette pour faire la livraison, au risque de la casser. Mais moi, je veux qu'il vienne faire sa livraison, non, y a pas de souci. Écoute, j'arrive, Laura. T'as vu comment t'es, Laura? Alors, je prends ma mobilette. Attends, tu préfères que lui vienne d'aller faire la livraison ou que je vienne faire la livraison? Bah, tant qu'à faire, venez tous les deux. Oh non, non, non, moi, j'ai pas un truc à trois avec ces dégueulasses, là. Pas question, hein. Moi, pas question, bien. Hein. Ouais, toi, tu vas filmer. Non, moi, je vais filmer, alors. Non, moi, Laura, j'ai un pipeau. Ah, génial. Nous voilà bien avancés, ah, Laura. Bah, trop bien. Polo a un gros pipeau. Oui, un énorme pipeau. Bon, bah, Laura. Ouais. Je te fais des gros bisous. Et cela dit, bah, si vraiment on va se renseigner demain, si la télé est déjà à la radio, si jamais elle est déjà, on vient de la livrer. Ok. Avec plaisir. Voilà. Bon, tu nous mets un petit verre quand même, hein. Tu nous mets un petit verre, hein, si on vient. Bah oui, y a pas de souci. Et en tout cas, bah merci à vous. Bon, bah avec plaisir. Puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, bah, continuez comme ça, vous êtes super. Bah, c'est gentil, Laura. Gros bisous à toi, à bientôt. Salut, merci. Salut. Ciao. Ciao. Bon, Justine. Ouais. T'es avec nous là. Justine, il va falloir qu'on appelle ton père à un moment, hein. Ah oui, il faut. Puisque j'avais lancé cette espèce de grand débat tout à l'heure, est-ce que vous gardez vos chaussettes quand vous faites l'amour? D'ailleurs, Laura, je t'ai pas posé la question, tu gardes tes chaussettes quand tu fais l'amour ou pas toi? Non, non, non. Ah, toi tu les enlèves. Ah, ouais. T'enlèves les chaussettes, d'accord, ok. Et parce qu'il y a des chercheurs hollandais en fait qui n'avaient rien à faire, donc 80% des femmes qui portent des chaussettes pendant l'amour ont un orgasme alors qu'elles ne sont que 50% quand elles sont pieds nus. Et donc du coup, tu vois, tu devrais garder tes chaussettes, Laura, t'aurais plus de chances d'atteindre l'orgasme. Moi, y a pas de souci. Ah, tu veux bien les garder? Non, mais moi, y a pas de souci au niveau orgasme, ça va. Tu jouis toujours du premier coup. Pourtant, tu es célibataire, Laura. Ouais. Mais je suis là, Laura. Je vais te rappeler comment ça marche. Justement, il va te montrer qu'il vaut mieux mettre des chaussettes. Voilà. Parce que surtout les siennes. Fais attention à ces chaussettes. Ah ouais. Et prépare un sac pour vomir. On est sponsorisé par Air France, ceux qui en ont trop dans les avions, les sacs cartonnés là pour la gerbe. Bon. Bon Laura, gros bisous, je te renvoie au standard. Gros bisous, ciao. Salut Laura, ciao. Bon, on fait ça dans quelques minutes Justine, le temps d'écouter Will.i.am avec Miley Cyrus et Fall Down, ça te branche? Bah pas de soucis. Bon bah très bien, et est-ce que tu regardes souvent la télé? Tiens, je te pose la question aussi comme ça. Bah là où je suis, j'ai pas la télé. T'as pas la télé, alors t'as certainement dû rater de grandes émissions de télé, puisque c'est l'heure d'être teubé de la télé, hein, comme je l'avais dit. Puisqu'il y a les Ch'tis Hollywood, ça tu connais les Ch'tis Hollywood? Oui, bon. Je connais, mais je trouve ça un peu débile quand même. Oui, on est d'accord. Et donc il y a Charles qui ne supporte plus Christopher et il essaie de nous l'expliquer. Enfin, a priori. Moi, Christopher, c'est quelqu'un que je me méfie beaucoup. Finalement, c'est trop facile de dire voilà, on s'excuse avec ses. Allez, c'est PD Bisonours. On repart de zéro. Bah allez, on repart de zéro. Bah allez, je t'ai fait des crasses. Bon, on s'en fout, allez, c'est bon, c'est passé. Allez, next. Bah non, c'est trop facile. Voilà, j'ai pas tout compris. Ouais, je suppose qu'il essayait de nous expliquer. Sinon, il y a dans les maternelles également, on apprend comment on fait des bébés. La question c'est, mais comment il a mis sa petite graine, papa? C'est là que ça devient un tout petit peu compliqué. Je l'ai eu, la question. Vous l'avez eu? Oui. Et vous avez su la réponse? Non, bah, j'ai pas eu le temps de dire la réponse. Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Comme pour le Père Noël, on m'a dit toujours dire ça aux enfants. Et ben, elle m'a dit, je pense que tu l'avales. Et là, j'ai rien répondu. Ah, c'est bon ça. Ah, elle est pas mal. Et puis toujours dans les ch'tis, hein, c'est Hilary qui aimerait apparemment faire du sport. Et en fait, je décide d'aller sur la terrasse avec Vincent. Et là, en fait, il y a Jordan et Gaël qui sont en train de faire du sport. Un jour, j'essaierai. Ben oui. Faire du sport. Ben oui, un jour, tu vas essayer, tu vas y arriver à faire du sport. T'inquiète pas. Va. Bon, Justine, reste avec nous. On appelle ton père après le son de Will.i.am. On va récupérer Liana. T'es toujours là, Liana? Ouais, toujours. Bon, il y a Grégory et Alison qui voulaient réagir au niveau de la jalousie. Hein. C'est ce dont tu nous parlais au début de l'émission. Vous êtes là, Alison, Grégory, ça va bien tous les deux? Oui, ça va. Bon, très bien, tant mieux. Alison, parle un petit peu plus fort, on n'entend pas. D'accord, pas de soucis. Ah bah voilà, c'est mieux là. Oui, il y avait Miley Cyrus, ça vous branche tout le monde? Oui. C'est bon? Ouais, parfait. C'est bon. Eh ben c'est parfait, c'est validé, c'est parfait. C'est Will.i.am et Miley Cyrus Fall Down. Il n'y a plus de pub sur Fun Radio, c'est la nuit sans pub. Et on est là jusqu'à 2h. Prenez le contrôle sur Fun Radio. You make my world, you make my world go. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Nickel, nos limites, C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Allez, en direct sur Fun Radio, minuit 11. On va avoir plein de choses à faire là. Il va falloir qu'on fasse les appels à un moment ou à l'autre. Quand est-ce qu'on appelle le père Justine? On va y aller. On va appeler le père Justine là. Reste calme, reste tranquille. On va récupérer Liana aussi avec Grégory Allison pour parler de la jalousie. Liana nous avait appelé parce qu'elle est super jalouse au point de frapper son mec. C'est ça, Liana? Quelle horreur. Ouais, c'est ça. Je me suis pas gouré. Hein. Tu le frappes et tout. C'est scandaleux. Scandaleux. Ouais. Non mais attends, il l'a trompé, hein. Juste parce qu'il regarde à la télé une bonne meuf ou parce qu'il regarde une bonne meuf dans la rue, Le mec qui regarde les ch'tis, il se fait taper quoi. Non mais c'est ouf. Bon, et donc Grégory Allison qui voulait réagir et puis Justine, on va donc appeler ton père. Ton père, on l'avait déjà appelé hier soir. Hein. Ouais. On l'avait déjà appelé hier soir, ça avait donné ça. Tu as enculé, toi. Allez, je suis enculé. Eh, je suis enculé, tu vas chier. Tu es enculé, toi. Eh, tu es enculé. Eh, bah oui. Tu es enculé, toi. Bon, bonjour, monsieur. Tu es enculé, toi. Comment ça va? Tu es enculé, toi. Ah, bah très bien, vous avez passé une bonne journée. Tu es enculé, toi. Ah, d'accord, ok, mais c'est tout ce que vous savez dire? Tu es enculé, toi. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que t'enculé qui fait me faire chier? Ah, très bien. Tu es enculé, toi. Voilà, et Toff, vous. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de Toff? Vous pensez qu'il devrait aller. Tu es enculé, toi. D'accord, ok. Sandro? Tu es enculé, toi. Très bien, Polo? Qu'est-ce que c'est que t'enculé qui fait me faire chier? Voilà, c'est bien résumé, hein, c'est... Bon, il a beaucoup de discussions, papa Justine. Ouais. Hein. Ouais, mais si on lui parle de cul, mon avis, ça, si vous le lancez là-dessus, ça devrait... Eh ben écoute, on va l'appeler tout de suite. Tu es enculé, toi. Très bien. Bon, on va la rappeler, j'espère qu'il va nous faire de nouvelles phrases, hein, parce que là, je pense que... Tu es enculé, toi. Voilà. Ouais, elle... ouais. Ah bah, elles sont là et elles sont bien là. Bon, on y va. Liana, reste encore avec nous, t'as bien 5 minutes, hein. Oui, ah bah oui, bien sûr. Parfait. Bon, et puis on va se refaire un petit coup de colle aussi, mais d'abord, évidemment, l'appel au papa de Justine. Ah. C'est parti. On va lui poser la question par rapport, évidemment, aux chaussettes, hein, oui. Dont on parle depuis tout à l'heure. Allez, vas-y. Allez, le papa de Justine. Allez, le papa de Justine. Attends, oui, bonsoir, monsieur. Ah bah merde, oui, mais ouais, oui, mais putain bon. Merde. Ah, c'est ma faute, c'est ma faute, je mérite un coup. Désolé. Tu vas nous l'avoir vexé. Ah ouais, ouais, là ouais. Oh merde. Tu nous l'as énervé. Au pire, on l'appellera dans une heure. Merde. Bonjour, je suis pas là. Oh merde, c'est ma faute, j'ai fait de la merde. Il était là, il était chaud, je l'avais senti. Ouais, oui. Oui. Bon, c'est pas grave, on va l'appeler dans quelques instants. On va okay, le rappeler d'ici une demi-heure. Tu restes encore avec nous, Justine, d'accord? Ça marche. Bon bah du coup on va appeler quelqu'un d'autre. Ouais, parce que là je suis bah ouais, chaud, là, on est chaud refroidi, et tout. Là. Bah je sais. Bon, on y va, c'est parti. On en appelle d'autres. Vous avez été nombreux à balancer des numéros de téléphone là, depuis hier là sur le mail de Sandro, sandro@funradio.fr. C'est parti, des gens encore debout à cette heure-ci. On en appelle un, c'est parti. On fera. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui. Oui, je m'appelle Toff. Et alors? Bah et alors, je voulais savoir si votre femme gardait ses chaussettes pour vous faire l'amour. Tu es enculé. Tu es enculé, toi. Oh mais j'ai pas le même. Et putain, et c'est le cousin. Et Justine, c'est ton oncle ou quoi? On l'a eu là. Non, je sais pas. Mais en tout cas, il avait la même voix. Ah bah ouais. Ouais. Ah bah attends, on va le rappeler. Oh la violence. Oh putain. C'est des ouf. Arrête, faire enculé. Ah, ils ont pas le temps. On a même pas posé la question. On rappelle. Oui, monsieur, c'est pas très gentil. Oui, monsieur, mais allez vous faire enculer. Votre grand-mère, elle suce des nains. Oh là là. Votre grand-mère. Ils sont le parfait. C'est votre grand-mère, elle suce des nains, mais qu'est-ce que c'est? Ce sera un nouveau message de bienvenue. Hein. Il y a le stagiaire, il va aller découper ça dans 30 secondes là. Oh merde! Votre grand-mère, elle suce des nains! Oh la violence! Ah, ton père vient de perdre la première place du podium, ah, oui. Justine. Ah, ouais, non, lui il est. On va le rappeler. Tu es enculé, toi. Ah bah non, mais là, la grand-mère qui suce des nains, je pense qu'on est pas mal. On va le rappeler. Ok. Ah, je crois que ça a décroché. Ta mère, toi. Monsieur, c'est pas très gentil. Niquer ta mère, tu me fais chier là. Bon, enfin, monsieur. Oh là là. Oh, je sais pas chez le daron de qui on est tombé, oh, ou l'oncle, ou je sais pas qui, mais il est en pleine forme. Hein. Hey, mais ouais, les vieux sont plus ce qu'ils étaient. Hein. Ah bah non, là c'est différent là. Waouh. C'est surtout que celui qui nous envoie le numéro, s'il doit pas rigoler tous les jours à la maison. Ah bah non, mais putain, ouais, c'est clair. Ah, le petit-fils, il doit pas broncher. Ah ouais, il y a Soon qui dit, je passe de plus en plus de nuits avec Mickaël, bientôt il va devenir mon mari au lieu d'être mon amant. Bah, je n'étais pas au courant, Soon, mais avec plaisir. Le prince qui dit, moi je serai son copain. Oui, ça c'est par rapport à la jalousie. Mais l'autre, je suis sur le cul. Ta grand-mère, elle suit. Mais c'était gratuit. Mais ça sent. Comment c'est venu comme ça, oui, en plus? C'était même pas. Non, elle suce des nains. Oui, ben c'est oui. Même pas elle suce des bides, pardon. Et c'est un truc improbable. Tu sais, t'appelles quelqu'un, même si bon, c'est vrai, il est tard. Mais quand même. Oh, ça m'a. Et c'est le seul mec au monde qui arrive à faire cet effet-là sur les gens. C'est incroyable. Bien sûr. Tu es enculé, toi. Ouais, non, bon, on a compris, mais bon, quand même, quoi. Putain, je suis. Ah, la folie. Bon, c'est bien, je pense qu'on va en appeler d'autres encore tout à l'heure. Et puis on va rappeler ton père aussi, Justine, dans quelques minutes. J'ai d'autres numéros si tu veux. Ah bah vas-y, balance à Sandro, t'inquiète, ça va nous faire notre commerce toute la soirée, ça tient. Okay. Bon bah bouge pas de là, on va se faire vite fait la colle maintenant, un petit coup là. Jordan, toujours là, Jordan? Ouais, je suis toujours là. Oh là là, sa grand-mère, elle suce des nains, dis donc. Ça alors, le mec, t'as entendu? Ouais, carrément. C'est un truc de... Non mais c'est un truc de fou. Comment est-ce que le mec il sort ça quoi? Ça me troue le cul. C'est un truc de dingue. Il y a Benoît qui dit je savais pas que les grand-mères elles pouvaient sucer des nains. Il y avait quoi, Migoumi qui dit lol, la grand-mère qui suce des nains, mort de rire, j'ai tellement ri que j'ai dû réveiller ma coloc. Et alors le prince est là qui dit appel improbable, la violence des propos. Il y a GTR qui dit votre grand-mère elle suce des nains. Ok, pété de rire. Et message aussi, il y a Alan qui dit je vous kiffe, je vous écoute tous les soirs avec ma copine. Eh, t'as pas autre chose à foutre avec ta copine que nous écouter? Ouais, sérieusement, hein, voilà. Sans déconner. Sinon je m'occupe de sa copine. Oui, c'est une idée aussi. Et il y a Mister Steven qui dit tof, ta grand-mère suce des nains, comme quoi on en apprend tous les jours. Et Morgan88 qui est trop fort, le vote grand-mère suce des nains, pété de rire, j'en peux plus. Ah non, mais il est énormissime, énormissime. Pauvre José. Bon, alors Jordan, on y va donc. Rappel la colle pour les auditeurs qui viennent de débarquer, puisqu'on donnera avant minuit et demi, enfin plus ou moins aux alentours de minuit et demi, la réponse pour gagner la PlayStation 3 et le jeu PS3 évidemment, Beyond Two Souls. Vas-y. Alors c'est un homme et une femme foncent tout droit dans un tunnel. Oui. Le tunnel est très sombre, ils allument alors une bougie. À votre avis, qu'est-ce qu'ils font? Bon, il y a des messages qui sont arrivés évidemment. Alors, il y a Olivounet qui dit ils font les petites marionnettes. Ouais, bah non. Olivounet, pour cette vanne, tu mérites une claque. Voilà, un coup de pelle dans la tronche. On proposait un god, c'est Alexandre. Non. Il brûle la crotte, c'est Chloé. Non. Il retourne en arrière pour Hugo. Toujours pas. Non, ils font un pique-nique. Bah oui, en plein milieu du tunnel, c'est tellement bien. Bah non. Ils cherchent la lumière. Bah non, ils ont allumé la bougie. Non. Voilà, les phares, ils allument les phares. Non. Bon, ils regardent et courent vers la sortie du tunnel. Non. Il y a Zidane qui dit aussi, Zidane Fut qui dit pour la colle de soir, ils allument leurs phares de voiture. Donc c'est les phares. Non. Non, d'accord. La femme a son maquillage qui fond. Bah dis donc, si t'allumes des bougies toi avec ton maquillage qui fond, il y a un moment il va falloir prendre du maquillage qui vient d'ailleurs que de Chine, hein, parce que c'est un peu dangereux pour la peau. Bon, donc du coup, un homme et une femme foncent tout droit dans un tunnel. Ce tunnel est très sombre. Alors ils allument une bougie. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres par SMS. Donc vous mettez M-I-K-L espace la réponse. Vous envoyez le message au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et si vous êtes tiré au sort dans une dizaine de minutes, vous repartirez peut-être avec la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls. Et si jamais personne ne trouve, eh bien c'est toi Jordan qui repartira avec la PlayStation 3. Ce serait pas mal, hein, Jordan, hein. Ouais, ce serait bien. Ah, ce serait même plutôt pas mal, hein. Bon, bah, en tout cas, bonne chance. Je vous rappelle que vous pouvez aussi lire l'énoncé, lire la colle. Et là, pour qui c'est peut-être plus facile, et répondre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. D'ailleurs, avant l'émission, je vous avais mis aussi une photo de moi petit, parce qu'il y en avait beaucoup qui demandaient la photo de moi petit. Putain, bah, voilà, trop mignon, Mikael. T'as vu, hein? Ah oui. Bah, j'avais pas beaucoup de cheveux encore à l'époque. Non, c'est vrai. Mais voilà, donc allez voir, hein, facebook.com/mikaelofficiel. Je vous attends nombreux. Bon, Liana, de retour. Oui. Bon, Liana qui est avec nous et Grégory également de Bayonne. Comment ça va, Grégory de Bayonne? Ça va et toi? Bon, oui, ça va bien, ça va super bien, tranquillement. Tout va bien, tout baigne, enfin bon, pépère quoi. Bon, alors, dis-moi Greg, tu voulais réagir par rapport à la jalousie, par rapport à Liana donc, qui est extrêmement jalouse. C'est jalouse maladive à un moment, on peut le dire, hein, Liana, hein. Oh oui. Ouais. Oh, ouais. Bon, et toi Greg, est-ce que toi aussi t'es jaloux comme ça ou est-ce que toi tu subis une meuf pareille? Ah non, moi je pense que c'est à peu près la même chose, je suis jaloux quoi, je surveille ma copine, et pas qu'un peu quoi. Tu surveilles ta copine quoi? Ah, voilà. Je surveille ma copine et pas qu'un peu. Et, ah, et pas qu'un surveille peu le matin. Ouais, et pas qu'un peu, oui. Non mais pourquoi? Je comprends pas. Je sais pas, je manque de confiance peut-être. Oui, exactement, mais ouais, mais, alors ça. Attention, et là je vais poser la question, mais ne réponds pas, hein. Mais t'as pas confiance en ta copine? Mais non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas confiance en les autres. Donc tu n'as pas confiance en ta copine. Voilà, tout à fait. Voilà, ouais, donc on est d'accord. Ça. Parce qu'il y a un moment, enfin je veux dire, moi le premier, tu vois, je suis pas absolument pas jaloux. Et voilà, quand ma copine se fait d'agréer, moi ça me fait marrer parce que je veux à chaque fois savoir comment est-ce qu'elle va faire pour dégager le mec. Bon, le jour où elle le dégagera pas, j'aurais perdu. Mais je veux dire, voilà, c'est ce qui me fait marrer. Mais si vous êtes toujours là en train de faire le gendarme, qu'est-ce que ça doit être relou dans votre life? Bah ouais, mais moi ça fait ça. Pourquoi vous mettez pas ensemble tous les deux là? Vous allez vous surveiller mutuellement jusqu'à la fin de votre vie. Ils se mettent des baffes. Ouais, c'est ça. Vous allez vous frapper. Ça va être pas mal, mais oui. Tiens. Mais pourquoi tu fais ça? Moi j'inspecte notre relation, je la vis pas en fait. Et c'est ça en fait, ça me bouffe trop quoi, vu que je suis toujours gendarme, il joue au foot, je suis obligée d'aller aux entraînements pour voir s'il y a pas de meufs. Quelle lourdeur, sérieuse. Et s'il y a des meufs, tu fais quoi? Ah mais il y a pas moyen, il a pas intérêt de les regarder ni de dire bonjour quoi. Sauf aux meufs que je connais qui vont au match et tout, mais bon bref. Et ça, non, non, non, je peux pas. Je peux pas. Non mais c'est improbable. Oui mais bon après. Et l'autre il doit péter un plomb ton mec en plus. Bah après il sait l'histoire que j'ai eue avec mon ex et en fait il comprend ma douleur et il en a marre quelque part mais il m'aime trop et il veut pas me quitter en fait, c'est ce qu'il me dit. Et il me dit ouais faudrait quand même que tu te calmes et tout. Ah oui, est-ce que t'as un stylo sous la main ou pas? Non. Non, est-ce que bah prends un stylo si tu peux en trouver un. Attends. Voilà, prends-en. Oui. Voilà, donc voilà, 0825. Voilà. Non, mais il marque pas. Je vais prendre mon iPad. Attends, oui, bah prends l'iPad. Voilà, soyons technologiques un peu. Donc 0825. Alors, 0825. Ouais, et 809. 09. Non, 809. 809. Ah, excuse-moi, j'ai mal compris. Je t'en prie. Donc 809. Oui. 810. 810. Voilà, c'est le numéro de TF1 pour Confessions Intimes. Voilà. Donc, si bah jamais... merci. Bah je t'en prie, non mais attends. Hey, c'est improbable quand même de. Non mais en fait, j'ai déjà proposé de faire une émission de télé tellement vrai ou des trucs comme ça, mais il veut pas. Mais si bah, bah tu m'étonnes, il va s'afficher le mec. Parce que si tu veux faire Confessions Intimes, je peux te rencarder. Ah bah bien sûr, et nous on sera là et tu sais, tu vas dire t'es passé à la radio, tu viens ici, tu gueules et tout, tu frappes Sandra. Il faut qu'elle fasse un cocu. Ah ouais. Hey, Liliana, ça t'intéresse pas de faire un chéri, je peux te faire cocu? La même occasion, tu gagnes un cadeau, t'es bien. Oui, non, mais le truc, c'est que mon mec, il écoute tout le temps Fun Radio. Ah. Donc, et en plus, on écoute tous les lundis soirs ou le dimanche soir et tout. Ah ouais, merde. Donc, ah ouais, bon, donc... bah, ça va être mort. Alors, bon, tant pis, c'est pas grave, on aura essayé. En tout cas, si tu vas à Confession Intime, tu nous fais la totale, tu lui craches dessus, on veut voir. Hein. Ah ouais. Et le pire, essaye de faire venir les caméras de TF1 ici en disant que t'es passé à la radio. Comme ça, tu viens dans le studio. Tu sais, on va prétexter parce que de toute façon, on s'en fout. Hein, Confession Intime, il y a du pipeau dedans, c'est pas grave. Donc, tu sais, tu dis que lui, il est fan de Sandro, tu viens, tu tapes Sandro. C'est genre, t'es vénère, tu la tapes. Toff, il va s'intercaler, tu lui mets une beigne. Tu crois qu'il va me défendre, lui? Ah, moi, je laisse taper, hein. Oulala. Voilà, pas de prendre de mauvais coups. C'est normal, sa grand-mère a juste des nains. Exactement, ouais. Votre grand-mère a juste des nains. Ah, mais elle est énorme, celle-là, quand non, même. Non, mais elle était improbable. Ah, bon, tu trouves? Et pour son, c'est un membre normal. Oui, c'est même. Ça, et te la ramène pas. Oui. Hey, Grégory. Ouais. Bon, et donc toi, c'est même combat, alors, exactement. Ouais, moi, je surveille le matin pour voir si elle est bien au travail. Wow. Salle de sport, elle va bien au sport, voilà, quoi. Mais est-ce que tu fais le traceur? Est-ce qu'elle a un iPhone? Oui. Parce que du coup tu peux la tracer hein. Ah bah c'est bon, tu lui as donné une idée là. Ah ouais, si t'as son login. Ouais, je savais pas. Si t'as le login et le mot de passe d'Apple, tu sais d'iTunes, tu le mets dans c'est quoi, Find My iPhone ou un truc comme ça là. Ouais. Et du coup tu peux tracer directement, savoir tout le temps où elle est. Et si jamais elle est pas à l'endroit que tu lui dis, tu peux même lui envoyer directement un message d'alerte en disant où est-ce que t'es. Ah là là là. Et elle doit répondre. Et alors à distance, si tu vois qu'elle fait de la merde, tu effaces son téléphone complètement à distance. Non mais voilà. Ah ben, non mais il y a un moment, faut montrer qu'il y a le patron, tu vois. Je veux dire, faut montrer qui porte la culotte. Ah ouais. Attends, je m'en donne une à moi-même pour avoir dit ce genre de dégueulasserie. Bon, Liana et Grégory, restez avec nous. Il y a Alison qui est là également. Bonsoir Alison. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, toi aussi, t'es jalouse avec ton mec ou tes mecs ou... Non. Ah. Non. Pourquoi? Je suis loin d'être jalouse. Mais... Ah, tu es célibataire ou tu n'es pas célibataire? Je suis célibataire. Ah, bon, comment ça se fait? Laisse-moi terminer. Non. Comment ça se fait, Alison? Bah écoute, demande au mec. Ah, d'accord, ok. Donc, bon, je vais peut-être pas avoir oui, une bon, réponse. Bah, tu fais chier, vas-y. Combien mesures-tu, Alison? Votre grand-mère est suce des nains. Peut-être. Alors, Alison, combien mesures-tu? Tu es enculé. 1m69. Combien pèses-tu? Tu es enculé, toi. 56 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Tu es enculé. 50. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Tu es enculé, toi. 42. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Tu es enculé, toi. Un petit cuillère bondi. Pardon. Ton mec est complètement con, Alison, hein. Enfin, ton ex. Qu'elle est bonne. Bonne. Tu voulais dire un truc? Tu es enculé, toi. Ouais, d'accord, ok, très bien. Tu vois, c'est oui. Que je suis déjà passé à l'antenne, moi. En fait, avant, c'était Lilou, tu vois. Puis d'un coup, on a su mon prénom, comme ça, d'un coup. J'ai rien compris. Moi non plus. Qu'est-ce que... enfin, je suis Lilou sur Twitter. Ah, je croyais que t'étais Lilou qui bosse aussi à la radio. Je me suis dit, attends, elle a pas la même voix. Non, elle a une bonne voix, là, Alison, je comprends pas. la méchante, oh, c'est gratuit, va, c'est, oh, t'as raison, oh là là. Non mais pour ceux qui connaissent pas Lilou, Lilou c'est elle. Suce ma bite. Voilà, on a mal entendu. Mais faut suce ma bite, Lilou. Exactement. Suce ma bite. Voilà. Et donc du coup, d'accord. Donc toi t'es Lilou sur le Twitter. Alors du coup, Toff, évidemment, ni deux. Bah, il a foncé sur Twitter afin de voir à quoi tu ressemblais, les mensurations étant très bien. Elle est pas mal. Bah, elle a les yeux bleus et tout. Ah bah très bien. Bon. Non mais Toff et moi on est en train de parler par mail en fait. Tu dois pas se rendre compte que c'est moi. Musique. Info, France Info. Alors attends, parce que là j'étais pas habitué là. Attends, il faut que je le retrouve. Elle est où? Oh putain, je l'ai perdu. Oh putain, le drame. Eh ben, je l'ai perdu. Quelqu'un m'a tiré mon jean. Ah non. Il est minuit 27, bienvenue, vous êtes sur Fun Radio. Les infos présentées par Mickaël. Exactement, oui, effectivement, nous venons de l'apprendre à minuit 28, très précise. Toff serait en train de draguer comme un porc une auditrice sur Twitter. Cette dénommée est Lilou. Lilou, évidemment, bien entendu, nous pouvons vous offrir un écran plat Full HD si vous avez des informations intéressantes à nous communiquer. Quelle est la teneur de vos propos, oui, s'il vous plaît? Vous discutez de quoi, Lilou? Ah, de rien. Non, arrête ton cinéma. Tu vas être banni à vie. Ah oui, attention. Le truc, non, c'est que c'est moi qui ai le plus gros dos. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai acheté un corset et je lui ai posé la question si ça lui plaisait. Ah, il est content, Toff. Il faisait le malin depuis tout à l'heure. Mais pourquoi tu demandes ça pourquoi tu demandes ça à tête de bite? Parce que c'est comme ça. C'est mais tout. Oui, c'est moi le plus apte à te répondre et je te remercie, Alison, de la question. Non, mais tu vois, la photo, elle est sur Twitter, Lilou, en fait. Lilou, et je vais te raconter un truc. Est-ce votre grand-mère, elle suce des nains. Est-ce que tu sais dans quoi tu vas là? Dans les emmerdes, hein. Tu vois, c'est moi qui y vais. C'est très bien m'en sortir. Est-ce que tu vois une grosse piscine remplie de merde? Ah bah vas-y. Alors, tu sais quoi? Bah vas-y. Très bien. Voilà. Je suis un menteur. Parce que Toff, de toute façon, c'est un sale con. Voilà. Elle va sauter même du grand plongeoir, tu vois. Ah bah vas oui, voir, ça hein. C'est clair, je te le confirme. Et ce qui est bien, c'est que vous serez tous éclaboussés. Voilà, et là, on sera au taquet, effectivement. Là. Vous me faites chier. Bon, oui, de toute façon, on va se barrer, effectivement. Allez, on va s'écouter le son de Britney Spears maintenant avec Work Bitch. Listen, tu restes avec nous? Ouais, pas de soucis. Parfait. Alors, est-ce que ce sera un remix ou pas? Je me tâte. Allez. Bon, allez, je vous laisse une minute. Hashtag et Mickaël, dites simplement oui ou non si vous voulez le remix de Britney Spears avec Work Bitch. Est-ce que vous voulez que je me transforme en DJ? Voilà. Hashtag et Mickaël, on verra ça. C'est Work Bitch maintenant sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Monkey, DJ, Mickaël, Party Fun, tous les samedis soirs. D'ailleurs, ouais, j'ai décidé de dégager les DJ qui avaient là, je prends la place. Hein, Quentin Mossiban, si tu m'entends, tu vas prendre tes affaires et puis si tu peux pas nous revenir, hein, tiens, je t'en chèque à la compta. Voilà. Et puis moi je vais revenir avec mon pote. T'es enculé, toi. Voilà, il est là, t'as vu. Eh, hey, on va travailler avec ton père, Justine. Ah bah y'a pas de soucis. Essayez de le rappeler. Oui bah t'inquiète pas, on va essayer de le rappeler. Ouh là là, bouge pas de là surtout. On va je te le confirme et essayer de le rappeler d'ici quelques instants. Avant ça, on va rappeler encore on va faire quelques petits appels. Allons-y. Bon, allez, c'est parti, on y va. Justine, Alison, restez bien là les filles. On va évidemment parler encore de la jalousie avec Liana et Grégory, vous êtes toujours là bien entendu. Oui. Ouais. Bon, et on va donc encore une fois appeler pour les chaussettes. Dis-moi Grégory, est-ce que tu fais l'amour avec ta copine et elle porte des chaussettes? Non, quand même pas, non. Et toi Alison, je sais plus si je t'ai posé la question. Non, je t'ai pas posé la question ou non, c'est non, sans non, chaussettes. Non, pour les deux. D'accord, ok, très bien. Et toi Liana, je t'ai posé la question, hein. Oui, mais ouais. Ouais, toi c'est sans chaussettes. Attends, je peux pas. C'est dommage, vous passez à côté de l'orgasme. Eh oui, tous ces orgasmes que vous ratez à cause de vos chaussettes. Ah bah c'est pas du tout, moi c'est avec les talons. Bah oui, mais bon. Ah toi c'est avec les talons? Ouais, je mets des grands talons à aiguilles et mon mec il kiffe. Moi j'adore ça, je trouve ça super excitant. Du coup, la meuf qui garde ses talons. Ouais. Et les bottes, t'aimes bien les bottes? J'adore les bottes aussi. Toff? Oui. Tu es enculé, toi. D'accord. Allez, on fait un petit appel encore, on appelle directement quelqu'un, un numéro qu'on a reçu. Vous avez été nombreux à nous envoyer des numéros et apparemment ils sont bons, en tout cas j'espère, c'est ce que vous dites. Donc on y va, on appelle. Vous êtes là, vous restez avec nous, hein? Ouais. Grégory Allison, Justine là. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Tu es enculé, toi. Allez. Allez, on y croit. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous gardiez vos chaussettes pour faire l'amour. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Excusez-moi. Va pas enculer, sale pédé. Oh, j'adore, va te faire enculer, sale pédé. Oh putain, mais ils sont quoi ce soir? Ils ont pas aimé la question, oh. Hein. Eh, autant hier à la limite. Bon à la limite on s'est fait chier hier hein, par, avec les appels quoi. Aye. Oh putain, on rappelle ou pas Greg Allison, Liana et Justine là? Oui, ah, bah, ouais. Obligatoire. Ouais. Oh putain. T'es enculé, toi. Oh. Et t'as l'air la pute. Oh là là. Bon, on rappelle. Tout ça a été gratuit bien sûr. Et totalement, allez on rappelle. Aye. Allez. Bah, allô. Oui, excusez-moi, mais pourquoi autant de violence? Mais c'est qui? Bah, moi, c'est Toff. Bah, Toff, oui, c'est moi. Mais, enfin, je vous appelais pour vous poser une question gentiment, c'est pas la peine d'être aussi désagréable. Non, franchement, je connais pas de Toff. Ah, mais on se connaît pas, hein, madame, j'ai jamais dit qu'on se connaissait. Bah, ouais, mais pourquoi vous m'appelez si on se connaît pas Pour savoir si vous gardez vos chaussettes pour faire l'amour. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? On se connaît pas, ça va te faire quoi si je te dis je garde mes chaussettes ou pas? Qu'est-ce qu'on a à cirer? Bah en fait c'est pour savoir parce qu'il paraît que les femmes qui gardent leurs chaussettes ont plus d'orgasmes que celles qui les enlèvent. Mais putain, mais t'as que ça à foutre d'appeler les gens comme ça, franchement, je sais pas, sors ou va te trouver une gonzesse, mais arrête d'appeler les gens pour des conneries quoi. Mais c'est pas une connerie, c'est une étude très sérieuse faite par des Hollandais. Mais oui bien sûr, allez, c'est bon, arrête de dire de la merde, hein, franchement, t'as vu à quelle heure que t'appelles en plus chez les gens, ça te dérange pas d'emmerder les gens à cette heure-là? Bah non, ça me dérange pas, moi je veux juste savoir si vous prenez plus de plaisir avec ou sans vos chaussettes. C'est quoi, franchement, tu me saoules, est-ce que je te demande si tu te laves la bite avant de te faire sucer? Non mais franchement quoi, allô? Mais moi je me lave pas la bite avant de me faire sucer, mais ça n'a pas de rapport. Bah voilà, bah moi je te pose la question là, du coup, donc tu me réponds ou tu me réponds pas, j'en ai rien à foutre. Bah, je viens de répondre. Ces questions à la con, tu les gardes pour toi, d'accord? Bah moi je viens de vous répondre, vous pourriez me répondre. Ouais mais je vais pas te répondre, je te connais pas. Bah, moi non plus je vous connais pas, mais je vous ai répondu. Mais déjà comment t'as monté mon numéro de téléphone déjà? Un truc magique, ça s'appelle l'annuaire. Déjà je suis pas sur l'annuaire, donc c'est tout, bizarre. Tout, you tout, 118 218. Et comment je m'appelle alors du coup? Vas-y donne-moi mon prénom et mon nom s'il te plaît. Bah Aigreur. Hein? C'est la relou, Josiane la relou. Bah tu vois, mais arrête de dire de la merde putain. Est-ce que mais... c'est madame Aigreur? Oui, bien sûr, ouais. Et toi, t'es quoi? Trou du cul mal centré? Ou tu pues la merde? Ou je pue la merde, c'est monsieur la merde. Ah, monsieur la merde, bah tu voilà. Sais quoi? Je t'écrase bien, mais bien profond. Et je te balance bien au fond de mes chiottes et je tire la chasse, d'accord? Mais est-ce allez, que c'est salut. De l'eau de pluie, rassurez-moi. Allô? Oui. Oh, putain, oh la violence. Mais quelle violence. Oh là là. On remet un couvert, un petit coup là. Ah oh, oui, un dernier appel. Ouais, elle est tellement sympa. Ouais, et crie un peu moins si vous rigolez les filles. Attention, on rappelle. Parce que sinon après ça s'entend et si jamais elle capte, on va se faire accrocher. Quoique c'est peut-être mieux. Vu comment c'est parti. Oui, excusez-moi monsieur la merde au téléphone. Est-ce que c'est de l'eau de pluie? Non, je pense pas que ça sera l'eau de pluie. Oh bah non, mais enfin bon, c'est du gaspillage alors. Hein. Ouais, bah non, mais ça... Non, mais bon, tu sais, il a que ça à foutre des villes, donc... Non, mais on est deux, hein. Moi c'est monsieur la merde. Voilà, hein, et moi c'est monsieur relou. Est-ce que madame Aigreur est au téléphone? Tu t'appelles monsieur relou et monsieur la merde? Oui, monsieur la merde, enchanté. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, est-ce que vous faites l'amour avec des chaussettes? Mais arrête, putain, t'es casse-couille là, franchement, raccroche. Mais c'est pas grave. Les gens. Non mais c'est pas grave, vous pouvez le dire, c'est pas grave. Oui, on vous en voudra pas hein, si c'est sans et que vous avez pas de plaisir. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre que mais c'est pour un quoi. Sondage. C'est une statistique. Mais statistique, tu sais ce que je fais des oui, on les met dans le centre ouais. Du cul, dans la toilette et on tire la chasse, mais avec voilà, de l'eau potable, mais c'est pas bien. Voilà. Mais alors au niveau des chaussettes. Mais je t'emmerde, j'ai même pas envie de te répondre. Bah si, puisque tu décroches chaque fois. Qui pourront peut-être te trouver, qui te pourront te répondre, mais moi j'ai pas envie de te répondre. Vous savez que tous les autres qu'on a appelés, ils ont répondu. Hein. Bah, vous êtes vraiment la plus aigrie. Bah ou non mais tu sais quoi, moi j'aime pas qu'on me casse les couilles surtout pour me poser des questions vous comme ça. Vous en avez pas des couilles? Mais c'est pareil, si qu'est-ce que t'en sais que j'ai pas des couilles? Ah vous que avez j'ai pas un dos et que je me suis fait opérer. Oh bah c'est comme vous voulez. Faire opérer. Bah voilà, alors va pas dire ce que tu sais pas. Non mais d'accord, mais bon là pour le coup on aimerait bien savoir ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire si vous faites l'amour avec les chaussettes. Mais je te répondrai pas, cherche pas putain. On dit oui alors, qui me dit mot consent, donc on met oui? Tu mets rien du tout, tu mets non, mais si, parce la nana que t'as eu au téléphone, elle est aigrie, qu'elle veut pas te répondre, ok? Mais non, mec, monsieur, qu'est-ce qu'on est obligé de répondre? Non, on met oui alors. Non, je te répondrai pas. Ah, donc on met non. Donc je mets oui. Tu mets ce que tu veux, j'en ai rien à dire. Bon, foutre, alors on met oui, façon. Donc vous faites l'amour avec des chaussettes? Ouais, voilà, et même, d'accord. C'est quoi mes chaussettes de ski? Ah oui, mon carrément. Mon bonnet, mon écharpe et mes après-ski aussi. Ah, mais tu dois prendre ta race alors, hein, ça doit y aller là, non? Oui, bien sûr, t'as raison. Donc j'en ai oui. Tu sais quoi, je vais être mauvaise avec toi, je vais te finir par t'insulter. C'est pas déjà fait? Bah si, j'ai commencé, mais je peux être encore plus mauvaise. Non, c'est pas possible, ça. On peut pas croire, Je crois pas là. Allez, arrête, c'est quoi, tu me casses les couilles. Bon, on va la laisser tranquille là. Hein. Je pense qu'elle a pris cher là. La c'est... pauvre. Ah, toi aussi, la pris cher. Et Kevin qui dit, je suis plié, j'arrive plus à respirer. Il y a Tom qui dit, monsieur la merde, je tire la chasse. Bon appétit. Bah oui, bah bon appétit à vous également. Ouais. Il y a Noël aussi qui dit, Toff prend grave cher ce soir. Stéphanie qui dit, ta mère la pute. Est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Ils sont violents ce soir. Ah ouais, non, mais d'une violence, c'est sans nom ça. Hein. Léa qui dit, le remix des nains juste parfait, des barres de rire avec le son de Britney. Canvante aussi qui dit, mort de rire, super la musique de l'enculé. Il y a Tony aussi qui dit cool le mix de Mickaël. Qu'est-ce qu'il y a Clara qui dit, oh Britney, ça fait bien plaisir. En plus, remixé par Mickaël, c'est parfait. Il y a Dédé qui dit futur DJ officiel du Starfloor avec des remixes totalement inédits. Ah mais attention, c'est exactement ce qui va se passer. Il y a aussi, c'est quoi ma mère, la pauvre, je lui ai raconté l'histoire de ta grand-mère, elle suce des nains, elle rit toujours, je vais la perdre. Alors, je crois qu'elle rigolerait pas plutôt. Hein. Oh oui, éclabousse moi Toff, c'est les Beef Freaks. Et puis la princesse qui dit, ce nouveau message d'accueil est parfait. Ta grand-mère, elle suce des nains. Ah oui, il y aura beaucoup de succès, je pense. Hein. Tigresse qui dit, oh mon Dieu, quelle violence, elle est trop bonne cette meuf, je l'adore, je suis plié en deux. Et puis Migoumi qui dit, et les garçons de l'équipe, Mickaël, Polo, chaussettes ou pas chaussettes? Non, pas chaussettes. Mais en même temps, c'est pour les meufs. Hein. C'est les meufs qui prennent leurs pieds avec ça, a priori en tout cas, a priori. On verra. Bon, on va appeler ton père dans un instant encore une fois, Justine, hein, le temps qu'il se remette un peu là. On va faire la colle aussi, on est à la bourre. Et puis on va d'abord surtout reprendre Liana et Grégory Allison pour parler de la jalousie. Alors Allison, tu voulais réagir toi par rapport à Liana. Est-ce que donc t'es jalouse, pas jalouse? Dis-nous tout. Je suis pas jalouse, c'est mon ex qui était très très très jaloux. Mais limite, bah, il me séquestrait en fait. Non. Ça a duré genre 3 ans et... je voyais ma famille sur 3 ans, j'étais dû voir ma famille 4 fois quoi. Ah oui quand même. Ah ouais, ouais putain, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il te disait exactement? Ben en fait on devait voir que ses potes. C'était genre devant ses potes j'étais sa salope quoi, tu vois, c'était envie de couilles, j'étais tout ce que tu veux, mais rien de bien quoi. Et puis quand t'es amoureuse, bah t'y crois quoi, tu te dis. Ah ouais, merde, tu crois au vide couilles. Attends, non, mais y a pas un moment t'avais envie de lui dire T'es enculé, toi. Non? Ah bah si, non mais si, je lui disais, on se prenait la tête tous les jours et tout, mais voilà, tu vois, quand t'es attaché, tu t'attaches, quoi. Non mais d'accord, mais non mais il y a maman, je veux bien que tu t'attaches tout ce que tu veux, mais bon, il y a maman, T'es enculé, toi. Voilà. Oui, bah voilà. Non mais il y a maman, faut le dire, quoi, tu vois, il faut y aller. Et puis à un faut moment, pas avoir peur. Et le mec t'aime pas s'il te considère comme un vide-couille à un moment donné. Voilà. Ça se respecte une meuf qu'on aime. Bah oui, mais bon, mais c'est beau ça, Pipo. C'est pas mal. Bon, non, sérieusement, tu l'as viré après 3 ans, donc t'as quand même attendu vachement longtemps. Bah ouais, même trop longtemps, tu vois, oui, 3 ans de ma vie foutu en l'air pour un connard. Bah, foutu en l'air, bon, je sais pas, mais bah, en tout cas, t'as attendu vachement longtemps, donc ça c'est clair et net. Et donc du coup, qu'est-ce que t'as donné comme conseil à Liana, puisque toi, pour le coup, t'as vécu l'inverse de ce qu'elle a vécu? Bah franchement, bah, qu'elle arrête d'être jalouse comme ça, quoi. Je veux dire, quand t'es avec quelqu'un, t'as confiance en lui, sinon tu sors pas avec, quoi, ou je sais pas. Ça reste dans la logique. Bah, je suis d'accord, hein, sauf que Liana et Grégory, visiblement, ça l'est pas. Hein. C'est pas très clair dans leur bah tête. Bah ouais, mais bon, c'est plus elle va être jalouse, plus il va en avoir marre, plus vite il va l'envoyer chier. C'est ça qu'elle comprend pas, ouais. Quoi. Ouais, mais non. Enfin, moi, je sais pas. Enfin, c'est pas mon passé en même temps, donc on peut... Voilà, quoi. Si vous serez, je pense que vous comprendrez, en fait, ma douleur. Si vous serez. Alors, ouais. La règle, c'est les si n'aiment pas les ré. Ouais, voilà. Donc, ça, y avait si vous saviez. Après moi aussi tu sais j'ai eu un vécu bizarre avec certains mecs, mais voilà tu sais après il faut savoir se passer dessus et puis se dire que voilà l'avenir c'est pas la même chose quoi. Bah c'est sur les mecs, ouais, j'aime bien cette idée. Ouais c'est ça, merci Toff. Les mecs c'est pas tous des connards ou des... Exactement. Alors regardez, non mais la preuve dans ce studio, ne fût-ce qu'avec la différence entre Toff et moi, on voit bien qu'il y a un mec bien et il y a un sale con. Merci. Voilà. Merci mes fans. Tu vois, il y a un mec bien et puis il y a un con quoi, tu vois. Non, hein, non, Toff c'est meilleur. Mais arrête de merde, putain, ça a coupé Kellyson. Ah merde, ça a coupé, je pense qu'elle est. Bah ça, elle était dans les. Elle était où? Elle était. Le matériel est vétuste. Oui, mais c'est un sale matériel. Elle était dans les Vosges, mais elle est passée lui passer en dessous d'une montagne. Dommage, parce que je pense qu'elle avait besoin de parler, Allison, pour le coup. Oh merde. Ah zut. Ah bah écoute, on va essayer de la rappeler, mais je sais pas si ça va marcher, quoi. Bah rappelle-la, on va voir si ça fonctionne. Ça, c'est putain de tunnel. Hein. C'est ça. On peut pas discuter tranquillement, non. Et là, hop. Ça brouille. Il faut que ça coupe, c'est dingue. Bon, Liana. Oui. Alors, bon, Liana. Ah, attends, on a récupéré Allison. Ah bah, on a plus Allison. Attends. Tu vois, ça a vraiment coupé, hein, c'est pas moi. Hein. La preuve, ça a coupé. Hein, tu diras, toi, à tes petites copines que. J'achète du meilleur téléphone, hein, du meilleur matériel. Je leur dirai. Bah ouais. Bon, Liana, donc du coup, il y a un moment où t'as pas envie de changer. Toi, t'es là, t'es tranquille, en fait. En fait, t'es heureuse comme ça. Pourquoi tu nous avais appelé? Non, mais non, je suis pas heureuse, justement, parce que ma vie de couple, j'arrête pas de l'inspecter et tout, et j'aimerais bien changer. Et j'arrête pas de dire à mon mec, je ferai des efforts et tout, et en fait, ça va une semaine, mais après, ça reprend le dessus. Et j'aimerais bien avoir des conseils, en fait, pour stabiliser ma jalousie, quoi. Je veux dire, avoir des solutions. Ah oui, mais bon, des solutions, comment tu veux que... C'est-à-dire que si à un moment, toi, tu trouves normal de traquer ton mec, bah, il faut le traquer, hein, mais il n'y a pas de solution. Hein. Achète-toi un cerveau. Non, par exemple. Yoga. Oui, tu peux faire du yoga. Ah, on a récupéré Alison. Alison, faut t'acheter un bon téléphone. Hein. Ah, mais je suis désolée, c'est un iPhone alors. Hein. Ah bah écoute, alors je sais pas, mais le à jour, j'en sais rien, fais quelque chose quoi. Ah, ça va, ça a coupé. Ça bah oui, je sais que ça a coupé. On se demande bien pourquoi. Mais c'est bizarre. Oui, c'est toi qui me perturbe là. Non, ouais. Mais c'est pas possible. Je perturbe ton téléphone. Mais Alison, t'es sérieuse là? Il est dégueulasse. Mais t'as vu sa tête? Et alors? Mais est-ce que t'as le goût? Merci Alison. Quoi? Ta gueule, connard. Non mais c'est bon, ça, en fait, c'est... je quitte ce studio. Ah ouais ouais ouais. Je m'en vais en Chine. Au revoir. Ah ouais ouais, c'est clair. Votre grand-mère est suce des nains. Voilà. Non mais c'est improbable. Enfin bon bref, c'est pas grave. Après tout, Alison, comme toutes les meufs, comme tous les mecs, comme tout le monde sur Terre, tu as tout à fait le droit d'avoir mauvais goût. Voilà. C'est vrai. Et ça c'est pas grave. Tu vois, ça arrive à tout le monde. Il y en a qui aiment bien la bonne musique, il y en a qui aiment bien de la merde. Bon ben. Bah, voilà, chacun ouvert, chacun aime ce qu'il veut, voilà, il n'y a pas de problème. Oui, écoute, tu sais quoi Alison, vas-y. J'aime bien dire ce mot, tu sais, à chaque fois que quelqu'un me dit un truc, je dis, eh ben vas-y. Eh ben vas-y. Vas-y à fond et tu le regretteras plus tard. C'est ton problème. Je m'en lave les mains. Ça ne sera pas pire que son mec de 3 ans. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Bon, en tout cas, Alison, merci d'être passé, je te fais des gros bisous. Ma petite fille, je peux faire une dédicace? Soit c'est tu continues à discuter avec toi, soit tu fais pas tu fais une dédicace, mais à toi de voir. Oh là là, au chantage. Bah non, mais à un moment c'est la règle. Bon, une dédicace mais à une seule personne, Alison, comme tout le monde. Ok, pas de soucis, je fais une grosse dédicace à toute la team. Très bien, et bah le message est passé. Salut Alison. Merci d'avoir un pack-off. C'est quoi Alison? C'est quoi Alison? Attention. Alors dans le pactof, il y a des crottes de nez, des morceaux de peau, des capotes usagées et beaucoup d'emmerdes. Exactement, exactement. Ouais. Et ben on va t'envoyer un pactof et il y a même un camembert au milieu dégueulasse. Et un pied de porc. Il y a avec des verres et il y a d'autres meufs dans le pack aussi. Hein. Faut qu'on te le dise. Mais c'est gratuit. Mais par contre les meufs qui sont dans le pack, tu sais pas ce que c'est. Hein, alors... Parce que c'est pas ces meufs, mais elles vont dire que c'est le cas. Bah ce sera des meufs comme toi, Alison. Voilà, c'est ça. Tu seras bientôt dans le pack. Exactement. Trop gentil, c'est génial. Eh ben, on va t'envoyer un pactof. Tu vas voir, tu vas pas être déçu, tiens. Oh, le lapis de merde. Par contre, on reprend pas, Alison. Hein. Si t'es pas contente avec le pactof, je le garde. Pas de soucis, je prends, moi. Bon, bah, très bien, parfait. Bon, salut, Alison. Salut. Allez, ciao. Grégory, merci d'être passé. Ouais, merci à vous. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux, Greg, hein, sur Fun Radio. Ouais. T'es le bienvenu quand tu veux. Il y a pas moyen d'attendre le jeu du pipeau? Tu veux du pipeau? Mais bien sûr. Ouais. Alors attends, parce que Paulo doit le ressortir de sa pochette. Attends une seconde. Merci bien. Alors, avec plaisir. Attends. Ça y est, t'es prêt? Ouais. Non, c'est moi. Attends, bah oui, mais toi c'est t'es prêt évidemment. Mais Paulo, il est prêt? On y va. Allez, attention. 3, 4. Eh ben voilà, tout simplement, Greg, suffisait de demander. Parfait. Ben avec plaisir. Salut Grégory et bonne nuit. Merci à l'équipe, salut, ciao. À bientôt Greg. Liana, écoute, essaye d'aller voir peut-être un thérapeute pour couple, hein. Non mais sérieux, non mais c'est pas méchant, hein, Liana. Vrai. Non mais vraiment. Si tu tiens à ton mec et que lui tient à toi et que vous voulez sortir de cette... Parce que ça va droit à la fin, hein, cette histoire de jalousie, etc. Hein. C'est-à-dire que ça peut pas tenir. Le mec, à un moment, il va en avoir plein le cul, il va t'envoyer la merde. Ça, c'est certain. Non, mais justement, moi, j'ai essayé de le quitter. Je lui ai dit, écoute, c'est mieux peut-être pour nous deux qu'on se quitte ou qu'on fasse un break. Et lui, il veut pas. Il m'a dit, non, je peux pas vivre sans toi. Enfin, oui, mais il y a un moment, ça c'est aujourd'hui. Mais il y a un moment, quand tu vas tellement lui prendre la tête, il va en avoir plein le cul. Et c'est là qu'il va se barrer. Donc, allez voir un thérapeute pour couple. Tu sais, genre un. Comment on appelle ça? Un thérapeute pour couple. Ouais, un psy pour couple, tu vois. Histoire que le mec vous aide à trouver une solution. Ouais, ou un psychiatre, je sais pas. Mais non, un psychiatre, t'es pas folle, Liana, c'est un psychologue, pas un psychiatre. Un non mais un psychiatre, celui qui donne des cachetons et qui te met dans une camisole de force, donc je pense pas que t'aies besoin de ça. Non, pas du tout. Alors, Alison, oui, mais toi, non. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est vrai que c'est le plus beau, Michael. Ah, merci. Il y en a enfin quelqu'un qui a bon goût. Et ta fosse, il est magnifique. Non, merci, non, tu vois, Liana, tu viens de défoncer ton truc là, sans merci. Déconner. Votre grand-mère est suce des nains. Tu es enculé, toi. Non, mais c'est vrai quand même, c'est dingue ça. Allez-vous dans le pactof, Liana. Eh oui, c'est ça. Et hop là, Liana, je te mets dans le pactof. Ah bon ? Oh, c'est méchant. Ah bah non, mais attends, et dis donc, tu bah, m'as. Bah tu viens avec moi. Ah bah non, pas question que je rentre dans cette merde là. Moi, moi j'aime bien les. Tu sais, comme les hôtels, j'aime bien les hôtels de luxe. Donc voilà. J'aime bien avec les packs de luxe. Voilà, ça c'est un camping avec une tente pourrave. Et sans l'eau et l'électricité. Et sans les chiottes également. Voilà, si tu dois faire ça au-dessus de la terre, c'est non, dégueulasse. Mais allez-y, Alison, allez-y les filles. Oui, allez-y, allez-y. Et je allez-y. Dis pas ça. Attends, parce que je sais qu'elles vont bombarder. Oui, il est jaloux, il se la raconte et tout. Pas du non. tout. Je connais le personnage. Ah bah on le connaît depuis longtemps moi. Ouh. Je connais ses têtes de con depuis 96. Ouais. C'est pour mon vous Dieu. Dire. 2005. Voilà. Oh donc, là là. Donc bon. Ouais. Bon, Liana, je te fais des gros bisous en tout cas. Oui, vous aussi, toute l'équipe, et vous êtes génial et je vous écoute, mais tout le temps quoi. Oh, quand je dors, aussi, quand je prends génial, la douche, Liana. Quand je vais aux toilettes, quand. Mais tout le temps. De préférence quand tu prends ta douche, hein. Toilette un peu moins sexy, mais la douche, pas de problème. Ouais. Bon. D'accord. Gros je peux passer une petite dédicace. Eh ben une petite dédicace, alors vas-y. Pardon, pour la dédicace. À mon chéri que j'aime très très très très très fort. Ah bah tellement que tu veux venir dans la caisse avec moi. Il va être content s'il entend. Hein? Alors que si lui avait appelé une radio pour dire à une meuf « Oh, j'aimerais, tu aussi, tu es très très belle, j'aimerais venir dans la caisse avec toi ouais. », tu l'aurais incendié, non ? Non, il serait déjà couvert de bleu, le pauvre. Bah oui, voilà, c'est ça, tu l'aurais détruit, le malheureux. Il serait complètement mort, le pauvre, c'est ça, en fait. Bon, allez, gros bisous, Liana, je t'embrasse. Gros bisous à vous. Allez, salut, Liana, et juste après le son de Showtech, je sais plus qui me l'avait demandé, c'est toi, Liana, non ? Oui, c'est moi. Eh ben, on va te le mettre maintenant. Ah, c'est trop mignon. Voilà, avec grand plaisir, Liana, le son de Showtech maintenant. Justine, on appelle ton père juste après. Ah. Et Jordan, voilà. On va faire la réponse à la colle également juste après Showtech, d'accord ? Ouais, pas de soucis. Ouais. Eh ben, parfait. En même temps, plus on attend, plus t'as de chance de gagner. Ça veut dire que la personne qu'on va peut-être appeler ne décrochera pas. Donc, reste bien là, Jordan. Ouais. Justine également. Et Justine, donc son papa, c'est lui. T'es enculé, toi. Voilà, très gentil, ouais, voilà. Agréable. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait de me faire chier, là ? Bah, bah, c'est ça. Et puis on a encore d'autres appels également qu'on va faire d'ici à 2h du matin sur Fun Radio. Soyez les bienvenus, c'est Mickaël, No Limit. On est là jusqu'à 2h sur Fun Radio, comme tous les soirs, du lundi au jeudi. Et le dimanche de 20h à minuit, il est minuit 52, il n'y a pas de pub sur Fun. Votre grand-mère est suce des nains. Elle est enculée, toi. Un truc à dire. Mickaël. No Limit, 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et on est sur Fun Radio, effectivement, presque une heure du mat, là, avec encore des sons, hein, si vous voulez. Hashtag et Mickaël, évidemment, vous les proposez, n'hésitez pas. Venez nous rejoindre également sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. J'ai mis une photo de moi quand j'étais petit, tout petit d'ailleurs, hein, vous pouvez aller voir, hein, n'hésitez pas à commenter, voir si j'étais beau gosse ou pas déjà. Mickaël officiel, allez-y. Voilà, moi aussi je veux le pacte off, Anaïs qui lit aussi. Mon petit off, personne te respecte, mais si on le respecte. Merci, Anaïs. Voilà, je veux un pacte off et Mickaël, moi je ne saurais pas choisir, même si Mickaël est beau gosse. Fait con mais il me fait craquer. Ah bah écoute, ah, après merci, ça c'est à toi de voir. Let's Be Freaks, il y a un pacte off. Ah oui, je veux aussi. Megumi qui dit le pacte off énorme, j'adore, moi je veux un pack Mickaël. Alors bah merci Megumi, au moins quelqu'un qui a du goût. Princess of Ice qui dit je veux bien le pacte off, tiens, mort de rire. Mais il y a de la queue de la merde dedans, je sais pas si vous vous rendez compte. Lucas qui dit je peux avoir mon message de bienvenue, ça fait un mois que je vous écoute et à chaque fois j'éclate de rire. Ah bah oui, en plus là tu tombes sur une nouvelle fournée là. Donc, ah bah oui là, tiens. Grand-mère est suce des nains. Voilà, bienvenue à toi Lucas. Il y a Denis aussi qui dit je me marre à fond avec vous, le pauvre Toff, mais il va bien. Voilà. Il est blindé. Mais oui, il y a Princess of Ice encore qui dit oh mon dieu, stop avec vos nains, là, je vais me faire pipi dessus, mort de rire. Il y a Noël qui dit grand-mère qui suce des nains, je suis écroulé, ça m'a tué. Il y a Clem qui dit ben les gens qui surveillent leurs copains, copines, juste un truc, pourquoi ? Mais c'est la question qu'on se posait, effectivement, ouais. Encore ton mec, c'est Mickaël que tu. Attends, c'est quoi ? Encore ton mec, c'est Mickaël que tu sois jaloux, je comprends, il est magnifique. Ah, encore si ton mec était Mickaël, ouais. Merci Megumi. Et Kawet qui dit la joue. C'est un manque de confiance en l'autre, mais c'est surtout en soi. Adeline qui dit un message de bienvenue, s'il te plaît. Putain, la grand-mère suce des nains, c'était énorme. Adeline, évidemment, avec grand plaisir. En plus, on en a plein des nouveaux là. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait me faire chier ? Bah oui, voilà. Et Sunsun qui dit je sniffe la colle dans Mickaël. Très bien. Allez, en parlant de colle, on va donner la réponse maintenant là avec Jordan qui est avec nous. On va appeler le gagnant aussi. Jordan, t'es là ? Toujours là, ouais. Très bien, parfait. Et Jordan qui est sur le point de s'endormir. Oh non, du tout. Pas ah, du tout. J'avais l'impression, tiens, il faut pas demander. On allait te verbaliser pour excès de mollesse. Exactement. Bon, on y va, attention, Jordan, on appelle le gagnant ou la gagnante, éventuelle en tout cas. Tu as posé une colle tout à l'heure, vous avez dû vous inscrire soit via le Facebook, soit par SMS. On appelle maintenant cette personne, si il ou elle décroche et qu'elle a la bonne réponse, il ou elle gagne, sinon tu gagnes. La PlayStation 3 et le jeu Beyond. Allez, on y va, presque une heure du mat là, à une minute près. Oui. Oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Manon. Bonjour Manon, tu as quel âge, tu es dans quelle ville Manon ? J'ai 19 ans, je suis de Saint-Etienne. Très bien la Stéphanoise, c'est Mickaël, tu es en direct sur Fun Radio. Ouais. Ouais. Bon, combien mesure Manon ? Ouais, ça y est. Bon, désolé. Hein. Combien mesures-tu Manon ? 1m65. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait de me faire chier là ? Combien tu pèses Manon ? Tu es enculé, ça. 63 kilos. Votre grand-mère est suce des nains. Quel est ton tour de poitrine ? 95C. Le dernier pantalon que tu as acheté ? 42. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, ouais. Bon bah très bien. Alors du coup il a fait son tour du propriétaire, il est content là. Alors du coup revenons à nos moutons. Et j'ai envie de dire. Ouais, merci Toff, plus jamais tu fais ça, t'as compris. Jordan, la colle, s'il te plaît, est-ce que tu peux la répéter à Manon, c'est ça à Manon, hein ? Ouais, c'est ça. Manon, alors vas-y, Jordan, on t'écoute. Ouais, pas de soucis. Alors c'est un homme et une femme qui foncent tout droit dans un tunnel. Ce tunnel est très sombre, donc ils allument une bougie. À votre avis, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, Manon. C'est la bougie qui fonce. C'est ça. Eh ben bravo, bravo. Bravo bravo Manon, la PlayStation 3 est pour toi. PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qui ne sortira que demain et qu'on t'offre donc en exclusivité. Eh ben voilà. Très bien. Eh ben bravo Jordan, donc c'est qu'est-ce qu'ils font du verbe fondre bien sûr et pas du verbe faire. C'était la petite attrape. Très bien. Bon bah bravo Manon, en tout cas la PlayStation 3 et le jeu il est pour toi. Tu vas rester avec Sandro au standard, on va prendre tes coordonnées. Et Jordan, bah écoute, tu vas essayer de trouver une autre call et puis tu reviendras à l'occasion. Ouais, y'a pas de soucis. Allez, allez, t'auras gagné ça au moins, une seule personne, ouais. Vas-y. Bah une dédicace à ma chérie que j'aime très fort. Oh, oh, elle a un message pour toi. Tu es enculé, toi. Voilà. Salut Jordan. Allez, salut. A bientôt, ciao. Ciao. Manon, gros bisous à toi, hein. Tu reviens quand tu veux aussi sur Fun Radio. Merci, gros bisous à vous aussi. Est-ce que t'es sur le tous les soirs, vous êtes top. C'est gentil, Manon. Est-ce que t'es sur le Facebook et le Twitter ? Oui, bien sûr. Et Instagram aussi ? Non, j'ai pas Instagram. Ah bah bravo. Un coup de pelle dans la gueule, tiens. Voilà, c'est tout ce que tu mérites, Manon. Bon, bah il faut prendre Instagram et puis viens nous rejoindre, Manon, là. Ouais, je le ferai. Hein, tu tapes Mickaël officiel, comme sur Twitter. Tu l'as fait aussi, comme sur Facebook, c'est tout pareil. Bon, okay. Je compte sur toi. Gros bisous, Manon. Bisous. Allez, je t'embrasse. Salut à toi, Manon. On va prendre Alexia dans un instant qui a un problème avec son mec. On a Bilal également avec nous, la Bilal de Paris. C'était la suite de l'affaire d'hier là, et d'avant-hier aussi. T'es là, Bilal ? Ouais, je suis toujours là. Bon, très bien. Bilal avait essayé d'appeler ta copine hier. Elle dormait. On avait appelé le frère de ta copine. Bon, il dormait aussi. Puis finalement, il t'a raccroché au nez. Et donc, on va essayer de remettre le couvert ce soir. Ouais, puisque depuis avant-hier en fait tu nous avais appelé pour nous dire que ta copine était un peu, était complètement une planche au lit. C'est-à-dire qu'en gros elle ne ressentait pas le besoin de faire l'amour visiblement. Et donc en fait du coup pour te faire plaisir elle t'attendait jambes écartées, tu faisais ton affaire et puis elle avait fini quoi. Voilà. Et tu voulais qu'on l'appelle pour savoir un peu c'est quoi le problème. Voilà exactement. Bon écoute, certes il est une heure plus tôt qu'hier. On va espérer que ça décroche. Sinon on restera demain encore un peu plus tôt et ainsi de suite. On y va Bilal, vas-y hein. On est derrière si jamais t'as besoin d'un... Ah bah déjà ça sonne. C'est mieux qu'hier. Si t'as besoin de conseils on est derrière. Allô ? Oh, allô ? Ouais. Ça va ? Ça va et toi ? C'est quoi cette voix ? Allô, c'est qui là ? Oh, c'est Sarah. Ça ? Tu fais quoi là ? On regarde le film. C'est quoi cette voix ? On dirait un travelo. Désolé, hein. C'est peut-être ça le problème. Ils nous entendent pas là. Ah. C'est un lascar là. Là, tu peux t'écarter d'eux, je te parle vite fait. De quoi ? Tu peux t'écarter de tes frères, je te parle. Attends. Putain, c'est la fête à la télé là. Je sais pas ce qu'il regarde, déjà pas M6, hein, puisque c'est la pub. Ouais, on en avait déjà parlé, tu m'as dit, j'ai eu une réponse, mais ça m'a pas suffi. tu vois, avant qu'on ait, que tu partes en vacances. Ouais. Ouais, quand on couchait, tout ça, tu vois. Ça dit, ils sont tous les deux mous. Ça, t'avais des sensations. Et je voulais savoir si... Je comprends qu'il n'y avait pas de sensation avec lui. Pendant tes vacances, parce que tu vois, depuis t'es revenu, je sais pas, c'est bizarre, je te l'ai dit. Bah, je t'avais pas tout dit. Mais c'est un mec. Quoi? Je t'avais pas tout dit, en fait. Comment ça? En fait, quand j'étais parti à Fréjus... La nôtre. Ouais. En fait, j'avais rencontré quelqu'un, quoi. Eh ben voilà. Vous l'avez dit. On l'avait quoi dit hier. On l'avait dit hier. J'avais rencontré quelqu'un, quoi. Et ce n'est pas le chéri, je peux le faire cocu, hein. Mais c'était juste pour les vacances. Attends, je vais le faire. Hé hey. Oh. Attends, t'es en train de dire quoi, là? T'es en train de dire... Tu as trompé. Mais... Non, pas trompé, mais j'étais pendant les vacances. Quoi. Et voilà. J'ai craqué, quoi. Oh, il peut faire comme ça. Attends, mais comment ça se fait, c'est... Mais c'est ça a voir quoi avec moi, je sais pas, tu vois, ouais, j'étais chelou là. En gros, laissez de te dire. Tu es enculé, toi. Mais j'ai craqué en fait. Bon, elle a craqué, ça arrive. Attends, mais là, t'es toujours avec la personne, c'est moi, je fais quoi là dans le truc là? Eh bah, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre, Bilal. Hein. Bon, Sarah. C'est qui? C'est Michel. Michel. Ouais, Michel, je suis un ami de Bilal. Il m'a pas parlé de vous. Non mais c'est pas. On peut se tutoyer, hein. Il m'a pas parlé de toi en fait. Ah bah très bien. Non mais c'est pas grave parce que là il nous avait appelé là parce que. Enfin il m'avait appelé parce que apparemment il avait pas de nouvelles de toi là, tu vois. C'est-à-dire que Oli c'était un petit peu plat. Bah. Et donc. Je vais pas vous parler de ça. Non mais après, c'est pas grave, hein. Voilà, on est amis, quoi. C'est pas catastrophique, quoi. Et donc voilà, mais bon maintenant moi il sait pourquoi. Bah voilà. je vais lui expliquer. Oui, non, mais voilà, bah alors du coup, on va bah, il va te rappeler alors après quand je serai parti. Quand tu seras parti? Bah oui, là, je vais pas rester chez lui toute la nuit. Ah, t'es chez lui? Oui, bah oui, c'est pour ça. Mais comme ça, il va te rappeler, puis comme ça, vous discuterez, quoi. D'accord. Bon, bah, salut Sarah. Hein. Salut. J'ai changé d'avis en cours de route pour pas foutre la merde. Ouais. Parce qu'elle avait l'air quand même déjà plutôt emmerdée, ouais. Triste et tout. Donc je me suis dit qu'on allait pas faire un pseudo chéri, je peux te faire cocu. Parce que contrairement à Toff, moi j'en suis pas un. Bravo. Non, déjà voilà. Le pauvre Bilal, il a dû. Ouais, Bilal, par contre. C'est ce qu'on avait dit hier. Hein, c'était sûr, hein, ça, qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Hein. Mais visiblement, elle t'a pas trompé. Tu vois, elle a encore été honnête. Enfin, à moitié honnête, parce qu'elle aurait pu te le dire plus tôt. Mais bon, au moins, t'as une raison, quoi. Tu vois, c'est pas toi le problème. Ouais, mais là, ça, c'est un truc de ouf, là. Bah ouais, t'étais avec elle depuis combien de temps? Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait quoi, 3 mois et demi? Ouais, mais c'est le principe, et, quoi. Et, ouais, mais elle, voilà, elle me disait pas... Ouais, non, je sais, ouais. Mais après, attends, ça fait 3 mois et demi, et quand t'étais en vacances en août à Fréjus, c'est là que ça s'est fini, parce que là, techniquement, 3 mois et demi, donc c'est-à-dire que vous êtes ensemble depuis juillet. Ouais. Grosso modo. Ouais. Et ben, elle a pas perdu de temps. Putain. Elle a pas perdu de temps. Bon, écoute, Bilal, moi je peux te présenter Toff si tu veux. Non, ça va aller. Non. Eh, Bilal, elle a un problème au niveau de la voix. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle a une voix grave. Hein. Non, c'est comme ça, je sais pas. Ouais, bah, bon, enfin pour toi aussi, là, t'as pas ça. Mais... Bilal, vas-y, relève-toi, Bilal. Quoi. On t'envoie un pack Toff. Allez, ouais, on va t'envoyer un pack Toff. Avec un pack du pull dégueulasse. Dedans, du exactement. Pull, des morceaux de peau et tout. Voilà. Oh. Allez, pour demain. Courage Bilal, courage. Voilà, c'est un message de Toff. Sale con. Oh, du Toff. Oh. C'est celui qui dit qui est. Voilà. D'accord. Et bah voilà. Bon Bilal, allez courage mon pote. Merci. Allez, je te repasse Sandro et essaie de la pêcher, on sait jamais. Ouais. Elle est dispo en ce moment. Bon, en plus c'est sûr. Et en lance chien surtout. Et il donc, paraît que c'est la meilleure période pour conclure. Donc, Oui, c'est vrai qu'on peut en hiver les mecs et les meufs concluent plus facilement parce que comme c'est la période il fait froid, tu vois, bon du coup ils préfèrent rester à la maison chaud quoi. Et Bilal, profites-en, elle a du 4 quarts. Ah ouais, elle a du 4 quarts. Cette grosse vase, elle a bouffé la moitié dans le bureau tout à l'heure là. Ah mais j'étais triste. Je tiens à signaler que ça fait 3 jours tout le monde me dit mais pourquoi on garde ce truc, on va. Ouais vas-y Bilal. Avec ou sans chaussettes elle? Ah bah elle, avec ça ou fait sans, très elle longtemps fout. Que j'ai pas eu de rapport sexuel. Donc bon, par contre, j'ai pas mis de chaussettes. Ouais, par contre, faudra prendre du raid hein, pour enlever les araignées, les moustiques, les mouches, tout ça. Ouais. Faudra faire le nettoyage, quoi. Attends, Sandro, lève-toi un peu là. Écarte un tout petit peu les jambes pour voir. Oh non, tu vas me faire un truc sale. Oh bah voilà. Oh non, c'est dégueulasse. Ça va. Oh putain, la classe. Oh putain, il y en a partout, hein. Ah bah oh là là, oh là là. Comment te dire que là, je mets des chaussettes ou pas, je fais ce qu'il veut le mec. Oh hein. C'est bon. Tout va bien, je me suis débarrassé de la mouche. C'est les mouches vertes. Oh c'est Bilal, il rigole, maintenant il est bien. Bah il va mieux là, Bilal. Mieux. Mais oui, je te repasse Sandra, Bilal, d'accord ? Ok. Allez, ouais, salut à cool. toi. Allez, courage, Bilal. Salut, Bilal. Ciao, ciao, Bilal. Bon, Justine, on appelle ton père. On aura Alexia aussi dans un instant de Rennes là. Bonsoir, Alexia. Oui, bonsoir. Comment bonsoir. Vas-tu ? Ça va. Bon, on va encore faire quelques appels dans quelques minutes là, avec Justine notamment. On va appeler le papa. Là, le papa, c'est lui. Hein. Et toujours enculé, ouais. Et toujours en pleine forme, hein, Justine. Hein. J'espère en tout cas qu'il va décrocher encore à sortie. On fait ça juste après Backer Mat avec Vandax. Ça t'intéresse? Ça te parle? T'aimes bien? Ouais. Ça, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas. Ouais, j'aime saxo, bien. Là. T'aimes bien? C'est bon, Alexia? Ouais, c'est bon. Et ça toi, va Justine? Ouais, ouais, moi j'adore. Très bien, ben on va se le mettre maintenant sur Fun Radio, au cœur de la nuit sans pub, là. Profitez-en bien, il n'y a que sur Fun Radio que ça se passe comme ça là. Van Dyke, on écoute Backer Mat, c'est les Hollandais qu'on écoute maintenant, il est 1h10 du mat et puis on en rappelle quelques personnes là avec Toff. Hein. Mais oui, mes nouveaux amis. Eh ben on fait ça dans quelques minutes sur Fun Radio, soyez tous les bienvenus et soyez tous les bienvenus également sur le Facebook et le Twitter de plus en plus nombreux. Vous venez nous rejoindre en tapant Emickel sur Facebook, pareil sur Facebook, sur Twitter. Et pareil sur Instagram, si vous me faites un follow, je vous followerai également avec grand plaisir. Bonne nuit tout le monde. I have a dream that one day on the red hills of Detroit. Toi. Le son de Backer Mat à l'instant sur Fun Radio, c'était Van Dyke. Allez, bienvenue tout le monde. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Oh là là, quelle vulgarité, c'est quand même un truc de fou ça. T'es enculé, toi. C'est dégueulasse, c'est vrai quand même, hein. C'est crado. Dégueulasse. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64-900 sur Fun Radio. Et il y a plein de messages qui sont arrivés là. Megumi qui dit bienvenue à Mouland. Ah oui, ça c'est par rapport là tout de suite avec Bilal. Bah oui, mais bon, il a appris sa mauvaise nouvelle. Clem qui dit Excel Molest pour Sarah, mais sinon c'est un mec pour Sarah. Hein, exactement. Let's Be Freaks qui dit un pack Valentin pour répondre à des questions, ça peut être utile. C'est vrai. Benji qui dit j'ai toujours pas eu le droit à mon message de bienvenue. Ah bah ça tombe bien, on vient d'avoir un petit nouveau qui vient d'arriver là grâce à tous ces appels là qu'on vient de faire. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Oh, désolé pour ta mère, je ne la connais même pas. Il y a Mister Steven qui dit vu que tout le monde veut un pack Toff, moi je veux bien un pack Sandro. Bah écoute, on va essayer de trouver ça. Avec du 4 cartes, la ouais, graisse. Ouais. Quentin qui dit la femme de ma vie, c'est la Nutella car on peut la tartiner à vie, elle ouvrira jamais sa gueule, lol. Il y a Tom M. Claude qui dit si on n'écoute pas nos limites, on ne mérite pas de vivre. C'est vrai, tu as raison. Jessica qui dit un petit message de bienvenue pour moi. Oui, alors pour Jessica, on va mettre. On va mettre ça. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait me faire chier? Voilà, il y a Papa Scandy aussi qui dit je peux avoir mon message de bienvenue aussi. Et un coup de pelle également. Alors attendez, il faut que je retourne de nouveau là-bas, le message de bienvenue. Moi t'as reçu ta meuf là, on cule ta meuf, mais lâche-moi les couilles là. Bah voilà, il y a un coup de pelle en prime. Ah là, c'est fait. Il y a Beach S. Snow qui dit je fais du 95D. Bah écoute, enchanté. oui. Le prochain qui dit je suis choqué, attends c'est quoi? Ta grand-mère elle suce des nains, comment est-ce qu'il a pu sortir ça l'autre là? Non mais c'est un truc de dingue, effectivement. Et Prince of Ice qui est mort de rire, mais enfin monsieur. Trop de pitié en toi, j'ai mal au ventre à force de rire. Ouais, tu m'étonnes. Putain, quelle violence quand même. Bon, Justine. Ouais. Bon, on va appeler ton père là de nouveau. Ah bah y a pas de souci, j'espère qu'il répondra. Bah ouais, moi aussi. T'es enculé, toi. C'est lui, hein. Bon, donc tu nous l'avais présenté hier et donc depuis tout à l'heure on essaye d'appeler des gens pour voir ce petit sondage. Hein. Apparemment 80% des gens, enfin des filles en tout cas quand elles font l'amour avec des chaussettes. Elles prennent plus de leurs pieds que quand elles le font sans chaussettes. Et donc on essaye de vérifier justement cette statistique et on a un peu de mal, on va pas te le cacher. Enfin tu as bien remarqué depuis tout à l'heure, hein, à part se faire insulter, on a quand même difficile à avoir une réponse, une vraie réponse. Bon, on y va Justine, on appelle papa. C'est parti. Allez. Bon c'est bon, j'arrête maintenant parce que tout à l'heure je me suis. Il va gueuler. Il y a des chances. Allez papa. Allez papa. Il décroche. Mais... Merde. Oh. Bon, c'est pas grave. Tu sais quoi, Justine, on va le garder au frais pour demain soir. On l'appellera plus tôt. Ah, c'est moi qui fais de la merde. Alors on l'a appelé. J'ai mis un son en même temps, donc il a grillé Excello. Putain, quel con. Alors je suis. Hein, je suis un con, Justine. Hein. Sinon, je vous ai envoyé d'autres numéros. Hein. Ah, t'as vu les gens. Toute la famille. Ouais, ah bah toute la famille, très bien. Ouais. Bah oui, bah écoute, on va essayer d'en appeler. Tu les as donné à Sandro les numéros? Ouais, j'ai donné à Sandro. Bon, on va les appeler dans un instant. On a reçu d'autres numéros également, d'autres auditeurs là que vous nous avez envoyés aussi sur sandro@funradio.fr. T'es prêt, Tof? Bah toujours. Bon, bah reste avec nous, Justine, attends que t'es là. Hein. Ça marche. Allez, c'est parti, on y va, vérifions cette statistique tout de suite. À propos des chaussettes. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme gardait ses chaussettes pour vous faire l'amour. Pardon? Non, je voulais savoir si votre femme gardait ses chaussettes pour vous faire l'amour. Non, mais ta mère, elle les garde, par contre, connard. Je vois pas le rapport, monsieur. Non, mais ma copine, elle les garde pas, mais la tienne, elle les garde. Ah oui, mais parce que, est-ce que vous savez que si elle les gardait, elle aurait deux fois plus d'orgasme? Ah ouais? Oui. Mais ça tombe bien. Pardon? Ça tombe bien, la mienne, elle les garde, mais ta mère, elle les garde pas. Ah voilà, ça y est, on a changé, alors. Ouais, ça y est, on a changé. Ouais, on a changé. Mais parce que, en fait, voilà, moi, c'est ça que je voulais savoir, c'est forcément comme elle les enlève, bah, elle jouit moins, quoi. Ouais, elle m'habite sur ton front. Ah, il y avait longtemps qu'on m'avait plus rien mis sur le front. Dommage. Bah oui, non, mais moi j'aime bien, vous savez, j'aime beaucoup qu'on me mette des trucs sur le front. Ouais, je sais, t'aimes des bifs là. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Gros PD, va. Oui, insulte-moi, j'aime ça. Dis-moi que je suis ta petite chose. Ouais, t'es ma grosse chose. C'est vrai? Tu aimerais que je te fourre violemment? Non, c'est moi qui vais te fourrer, gros PD. Ah oui. Tu vas me démonter la rondelle? Ah, pire que ça. C'est vrai, qu'est-ce que tu vas me faire? Dis-moi tout. Je suis un enculé. Oh, c'est trop bon. Je pourrais garder mes chaussettes, il paraît qu'on jouait plus. Ouais, ouais. Je mettrai un goût de ceinture pour éviter de salir ma queue. Ah, c'est vrai, tu as une petite bite que ça, tu as peur que je ne la sente pas? Ouais, c'est ça en fait. Ah bon. Bah, on va en rester là, hein? Ouais, ouais. Hein, après toutes ces grosses cochonneries. Oui, mais oui, rappelle deux fois aussi si tu veux. D'accord. Bon, allez. À tout de suite. À de suite. D'accord. Oh bah s'il propose. Ah, c'est lui, hein, qui insiste, hein, moi je voulais pas, mais... Violence. Hein, mais c'est bien parce qu'on a trouvé le cousin de notre ami Carolo. Hein, qu'est-ce qu'il a dit celui-là, j'ai oublié maintenant. Qui voulait me coller ma bite sur le front. Une bite sur le front. Ouais, une bite sur le front, ça nous changera un petit peu notre ami, de notre ami Carolo qui lui, en revanche, avait une autre manière. Hein, c'était cette manière-là. T'as mis au moins ta caractère sur ton front comme ça. Voilà, tu vois, donc là on a un petit peu changé quand même. Hein. Bon, on le rappelle du coup, hein, Justine, t'es d'accord? Ah bah oui. Bon bah alors, c'est lui qui a proposé en même temps. En plus, c'est lui qui nous invite à le faire, donc direction. Ce monsieur, très charmant. Allô? Oui, allô, bah c'est moi. Ah, ça va toujours ou quoi? Bah ouais, ça va toujours, et toi? Ouais, tranquille. Bon, et ça marche toujours là pour notre petite sauterie? Ouais, t'as du lubrifiant? Bah pourquoi faire? Moi je veux te sentir, je veux que ça m'arrache quand tu vas rentrer. Ah ouais, en fait ouais, t'es une grosse salope quoi. C'est ça. C'est une espèce de PD, ouais. Oh, si tu savais le nombre de bites qui sont passées par là. Elle va te faire enculer, oui. C'est pas de ça qu'on parlait? T'es enculé, toi. C'est pas de ça qu'on parlait? Si, c'est de ça qu'on parlait, oui. Ah bah oui, non, parce que j'avais peur qu'on se soit pas compris. Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai peur qu'on se comprenne mal. Ah, bah non, on s'est bien compris. Mais alors, on se voit où, alors, pour... Bah, chez toi ou chez ta mère, comme tu veux. Bah, de toute façon, je vis chez ma mère, donc ça revient au même. Ah, bah, chez ta mère, comme ça, elle participera. Ah ouais, t'es comme ça, toi, t'aimes bien quand on est plusieurs? Ouais, ouais, même 40, tu peux inviter toute ta famille. Ah ouais, t'es un gros cochon comme ça, toi? Ah ouais, hardcore. Bah je vois ça. Hein? Bon, c'est pas que je m'ennuie, hein, mais ça fait beaucoup de belles promesses que tu ne vas pas tenir, donc on va en rester là. Ouais, si tu veux, allez. Allez, au revoir. Ciao. Ah, il était gentil, hein. Oh là là, là. Ah, il était gentil, Justine. Un mec comme ça, t'as envie de le garder. Oh bah elle craque direct. Mais oui. Bon, tu nous as filé d'autres numéros, c'est qui? Mais là, vous venez d'appeler avec le numéro que je vous ai passé ou pas? Non, là, c'était un autre. Ah d'accord, ouais, je les ai passés à Sandro les numéros. Ouais, mais bon, Lisa, mais c'est qui par rapport à toi? C'est la famille? C'est des potes? C'est qui? Non, c'est... Attends deux secondes. Vas-y. Même Daron qui demande ce que c'est. Ouais, peut-être. En attendant, il y a des messages qui sont arrivés. Il y a Stéphanie qui dit je mettrai un goût de ceinture pour éviter de salir ma queue. Ils vont m'achever ce soir. Il y a Lou qui lit la voix de salope qu'il a Tof quand il parle de sexe, Miam. Indissociable qui dit et ma bite sur ton front. Et Tigresse aussi qui dit à l'aide, Mickaël, mon père n'arrête pas de me casser les bonbons parce que je rigole trop fort. C'est possible de lui mettre un petit coup de pelle sur la gueule. Bah écoute, avec plaisir. Voilà, là il devrait dormir. Le prince Nadia qui dit Mickaël, moi je serai son copain à force qu'elle me cherche, la tromperai sous ses yeux histoire de lui donner une bonne leçon. Ah oui, ça c'est par rapport tout à l'heure au à Tromperie. Et Sandra qui dit j'adore vous écouter toutes les nuits au taf, on rigole. Eh ben écoute, tant mieux au final, Sandra, c'est un peu ça aussi le délire. Justine. Oui, je suis revenue, c'était l'infirmière. Comment? Qui a où ça, une infirmière? Parce que je suis à l'hôpital. Ah, d'accord. Ouais. Bon, Justine, ouais. Du coup, c'est qui les numéros là que tu nous as filés? C'est un numéro d'un vieux con qui me fait chier, parce qu'en fait, à la base, c'était le père d'une copine. Ouais. Et en fait, il s'est avéré que je me suis plus entendue avec le père qu'avec ma copine. Et donc, du coup, ça a créé pas mal d'histoires. Mais et lui, en fait, il est tombé un peu amoureux de moi, sauf qu'il a 50 ans et que ça fait des mois qu'il me harcèle. Ah d'accord, ok. C'est celui qui termine par 46 ou 72? C'est celui qui termine par 46. Bon, on va l'appeler. Ouais. Allez, hop, ne bouge pas, oui. Justine. Vas-y, Tof, t'es prêt pour les chaussettes? Bien sûr, je suis prêt. Allez, c'est parti. T'as une bite sur le front. Oui. On me l'a déposé tout à l'heure. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si votre femme gardait ses chaussettes quand elle vous fait l'amour. Ouais, mais... Elle met pas de chaussettes, elle met que des collants. Ah oui, parce que en fait, je voulais... Parce qu'il paraît que si elle garde ses chaussettes, elle a plus de chances d'avoir un orgasme. Ah ouais? Ouais. Bien, il va falloir que j'essaye, alors. Bah voilà, c'est ça. C'est... Enfin, si vous voulez avoir plus de plaisir avec votre femme, quoi. Ah ouais. Ouais. Et c'est une fois par semaine que vous vous appelez là, parce que la dernière fois c'était pour les poils. Je vous appelais pour les poils déjà? Ouais, ouais. Ah bon, bah c'est possible hein, en même temps. Vous savez, moi, ouais. Moi j'appelle, je fais des sondages. Hein. Ouais, je m'en doute, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Mais ouais, rappelez-moi la semaine prochaine et puis d'accord. On va autre chose. Bah d'accord, ouais. À la semaine prochaine alors. D'accord, salut. C'est toujours un plaisir de vous appeler. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Et tu es enculé, toi. Ah, dis donc, tu nous as déjà filé le numéro, Justine, ou on l'a appelé vraiment par hasard? Bah non, mais je comprends pas pourtant. C'est la folie ça, putain, ouais. Quel truc de fou. Bah on l'avait déjà eu alors apparemment. Écoute, qu'est-ce que je te dise? Oh bah c'est pas très grave. Bon, elle avait tout envoyé un mail avec son numéro en fait. Ah peut-être. Ah bah voilà, alors voilà. C'est ça, on l'avait déjà eu alors, Justine. Bon attends deux secondes, on va encore essayer de faire d'autres appels dans quelques minutes. Avant ça, on récupère Alexia, 17 ans de Rennes. Bonsoir Alex. Bonsoir Alex. Alors, qu'est-ce qui se passe Alex là? Tu nous appelles pourquoi, dis-moi? J'ai un avis à vous demander surtout. C'est nul. Alors, je pensais que c'était juste ça que tu voulais savoir, attends pour non, moi. Non, je m'en fous. Ah bon? Alors vas-y. Alors en fait, j'ai un problème. Je suis, actuellement je suis célibataire. Mais en fait, je parle avec un chose qui arrive même au meilleur. Je parle avec un garçon, je l'ai rencontré il y a 4, 5, 6 mois on va dire. Ouais. Et il avait une copine, je ne savais pas au début. Puis il a eu mon numéro par un de ses potes. Et il m'a demandé à ce qu'on voulait. Donc j'ai accepté forcément. Et du coup, il a voulu aller plus loin avec moi. Et à ce moment-là, je savais toujours pas qu'il avait une copine. Ouais. Et actuellement, ça fait 3 ans qu'il est avec sa copine. D'accord. Et on va dire toutes les semaines, il vient me voir pour coucher avec moi. Et toi, tu dis oui? Ah bah oui. Ah oui, oh là là, c'est une blague ou quoi, la mélo qui vient et tout, sale connard là. Mais t'es enculé, toi. Bon, du coup, c'est mal. Bah non, pas mal. Bah si, par rapport à sa copine, c'est pas bien. Mais sa copine, c'est une connasse. Non mais... c'est pas le propos. C'est pas le sujet. Alors, on fait pas son procès à elle. Bah oui, mais... La pauvre, elle y est pour rien. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est une grosse vache. Ouais, mais d'accord, mais en même temps, ton mec... Elle doit dire la même chose de toi, je pense. Et en même temps, ton mec... Sale con. Ouais, c'est quand même aussi un sale con, hein, pour le coup. Faut quand même le dire les choses, c'est vrai. Voilà. Bah voilà, c'est ça. Bon, et concrètement, tu nous appelles pourquoi? Parce que tu veux qu'il te dégage sa meuf? Non, je veux savoir, qu'est-ce que vous me dites... Si vous seriez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Moi, je parlerais pas comme ça. Moi, je couche pas avec des hommes, donc c'est pas pour moi. Voilà. Non, mais... ce serait une fille. Mais dégage-le, tu peux pas faire ça, ça se fait pas. Mais oui, mais après ça tu le dégages, il faut qu'il dégage sa meuf. Hein, mais il y a maman. N'oublie pas, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Oui, c'était la pensée du jour. Oui, voilà. Moi, je suis amoureuse de lui, donc j'y peux rien. Enfin. Oui, non, mais d'accord, ok. C'est dingue, on en a parlé, c'est vrai, il y a pas longtemps, mais les meufs se sentent toujours obligées, ouais, soit de tomber amoureuse de mecs casés, ouais, soit de tomber amoureuse de connards, soit ouais, les deux. C'est des casés et connards. Ouais. Ouais. C'est vrai, hein? Oui, non, c'est vrai. Ah, c'est vrai, Justine, toi qui es toujours là, tiens. Oui. Bon, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Alexia, tant que t'es là? Bah, je sais pas, mais. Enfin, c'est par rapport à la copine, quoi, surtout, quoi. Mais non, mais la copine, elle s'en bat les couilles, apparemment, elle, hein. Mais au pire, lui, il veut sortir avec toi ou pas? Bah, en tout cas, il veut bien coucher avec elle, ça, oui. Parce qu'à la limite, au pire, tu te mets avec lui, puis il largue l'autre, hein. Le problème, c'est que ça fait 3 ans qu'il est avec sa copine, mais enfin, je me vois mal lui dire, ouais, en fait, tu larges ta copine. Ah bah si. Bah si, à un moment, si le mec il veut coucher avec toi, tu peux lui dire, ouais. Oh, vous m'emmerdez. Mais oui, mais enfin bon, c'est vrai quand même. Non mais c'est vrai. Bon, Alexia, on va demander l'avis des filles, là. Les mecs, les filles, là, venez nous en parler. Si vous avez un conseil à donner, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et bon, on a déjà Mario qui est arrivé. Salut Mario. Ça va, tranquille. Ça va et toi? Bah ouais, pépère. Bah t'écoutes l'émission depuis longtemps ou pas? Eh Mario. Bah j'écoute l'émission depuis 10 minutes là. Ah d'accord, non mais dans l'absolu, tu viens de nous découvrir il y a 10 minutes? Ouais, complètement, ouais. Non, un message de bienvenue? Bah, je suis content de vous entendre en tout cas. Non, t'as rien demandé. Calme-toi. C'est moi qui vais te donner un message de bienvenue. Attends. Un message de bienvenue, bienvenue à vous tous. Mais non, Mario. Attends, laisse-moi. Hey, c'est pas facile d'être plombier, hein, Mario. Moi. Bienvenue à vous tous. Ça te tombe bien. Qu'est-ce qu'il dit, mais je vous adore, je vous kiffe, mais... je vous aime. Attends, Mario. Je veux arriver à mettre mon putain de message de bienvenue. Allez vous faire foutre. Voilà, merci à lui en tout cas. Allez bien vous faire mettre. Et bah voilà. Bon, Mario, t'as un conseil à filer à Alexia. Tu vas le donner dans quelques minutes, d'accord? D'accord, très bien. Bon, bouge pas de là, Justine, t'es là, tu vas rester là aussi. On va encore faire quelques petits appels dans quelques instants sur Fond Radio. Donc restez bien là, on est au cœur de la nuit sans pub, il est 1h25, 29 même. Je sais pas pourquoi je dis 25, parce qu'en fait sur l'horloge, il n'y a aucun moment où il y a marqué 5. Non, ouais, aucun. Je sais pas pourquoi je suis resté bloqué sur 25. Il y avait 0, 1, 2 points, 2, 9, et il y avait 0, 2 quand j'ai dit 25. Donc je comprends pas très bien. C'est pas grave. Bon, on va se remettre aussi, chérie, je peux te faire cocu dire. Bon, si on a le temps, hein, parce que là, on est un peu... pris par le temps, mais c'est pas très grave justement. Tiens, on va s'écouter Global DJs. C'est le nouveau, je vous en avais parlé tout à l'heure. Global DJs qu'on écoute maintenant, c'est Kids sur Fun Radio. Ça te plaît, Justine? Tu connais ou pas? Oui, mais je voulais te demander quelque chose. Bah dis-moi, tu veux quoi? Parce qu'en fait, il y a un pote qui me demande depuis tout à l'heure de faire sa dédicace pour avant qu'il aille se coucher. Ah, attends, parce que là, tu es la chanson là. Bon, alors, vas-y, je mets la musique. Bon, bah, comme il m'écoute, bah, je te fais un gros bisou, ma poule, je t'aime, tu me manques fort. Et toi, oh, c'est mignon. Voilà. Et tu ne l'as même pas nommé, ce jeune homme. Ouais, et on sait même pas comment il s'appelle. Marwan. Ah, Marwan, très bien, parfait. Bon, bah voilà, mais ça, j'ai passé maintenant. Je peux mettre ma musique? Ouais. Bon, c'est parfait. Allez, Global DJs qu'on écoute maintenant sur Fun Radio, c'est Kids. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est là avec vous. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, ça va pas? Global DJ sur Fun Radio, c'était Kids à l'instant. Bienvenue tout le monde. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites. C'est tous les soirs. 23h, 2h. Sur Fun Radio. En direct, 1h33 sur Fun Radio. Avec le retour là de Alexia, de Mario également. Vous êtes toujours là tous les deux. Allô? Allô Alexia, allô Mario? Le plombier? Mario, ah non, c'est ma faute, autant pour ouais, moi, plombier, je mérite un coup. C'est moi qui ai fait de la merde, autant pour moi, c'est à cause de moi qu'on ne vous entendait pas. Bon, Mario qui voulait réagir à Alexia, qui nous avait dit qu'elle avait un problème de mec. Alors c'est pas vraiment un problème de mec, c'est-à-dire qu'en gros, elle est avec un mec qui est déjà maqué. Et du coup, ils couchent ensemble une fois par semaine. Et le mec, il était avec une autre meuf depuis 3 ans et visiblement, il n'a pas trop envie de la dégager. A priori, c'est ce que j'en ai compris. Donc, du coup, Mario, eh bien, sois le bienvenu, t'écoutes l'émission, toi, à Paris hein, et t'avais un conseil à filer à Alexia. Est-ce que t'es déjà passé par là? Dans quelle situation? Dis-nous tout. Non, en fait, j'ai pas vraiment de conseils à passer. C'est juste si elle veut, je suis dispo, quoi. un peu satisfaire tous les deux, y a pas de problème quoi. Ah bah bien sûr, c'est, je pensais qu'il avait un conseil. Non non, genre un foot en fait. Non, non, j'ai aucun conseil à passer, moi je suis là, si elle veut, je suis dispo quoi. Ah bah trop gentil Mario là. Oh quel mec sympa, t'es prêt à donner de toi et tout, c'est vrai. Mais ouais, ouais, mais ouais, ouais, complètement quoi, complètement prêt à donner de moi-même, voilà, je suis prêt à aider quoi. Ah bah putain, ah, franchement. Je sais même pas sur qui tu vas tomber hein. Bah oui, c'est vrai qu'on s'était pas renseigné effectivement, oui. Oui, mais oui, bon, bah, après, bon, pas... j'aimerais bien une description un peu. Oui, un mais peu, bon, on n'est pas dans le détail, ah, allez, bah, allez. Voilà, allez. Combien mesures-tu, Alexia? Je fais 1m66. Combien pèses-tu? 54 kilos. Combien, 54? 54. D'accord, quel est ton tour de poitrine? 95C. Et oui, la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Oui, il est dans la moyenne, hein. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle est dans la moyenne. Qu'est-ce qu'elle est bonne, pas. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Touche-moi la chatte. Oui, ça ira. Donc, finalement, Mario, c'est bien, hein. T'as tapé dans le mille, là. Ouais, ça m'intéresse beaucoup, là. Sans déconner. Ça m'intéresse encore plus. Sans déconner. Mais Alexia, non, toi, tu cherches un autre mec ou tu voudrais vraiment celui que t'as? Non, enfin, c'est pas que je voudrais vraiment celui-là, mais j'ai juste pas envie qu'il reste avec sa copine, parce que c'est une connasse. Ah ouais, d'accord, ok, donc en fait, t'as envie qu'il casse avec sa copine, comme ça tu peux le dégager derrière et t'en regagner. Ouais, t'es bien une fille, toi. Hein. Y'a pas de problème, ça. T'es non, bien non, non, une fille. Non, en vrai, je suis pas méchante à ce point-là, mais c'est juste que sa copine, enfin, elle vaut vraiment pas le coup, c'est vraiment une gare. Ouais, ouais, c'est ça, c'est. Ouais, ouais, je comprends. Oh, elle est rageuse. Bah ouais, la mais entre filles, c'est toujours la guerre. Bah si. Je n'ai rien du tout à lui envier, mais vraiment rien du tout. Ouais, bah si, son mec. Si. Ouais, c'est son mec, mais... Il y a le prince Adak qui dit Mario, en gros, il appelle pour essayer de la pécho. Oui, c'est oui, bien résumé, le prince Adak, hein, je pense que c'est ça. Antilope aussi qui dit salut toute l'équipe, vous allez rire, mais j'ai croisé Toff en train de se faire la chèvre dans mon jardin. Ça m'étonnerait tellement pas. Et Redapo qui dit aussi bonsoir, je vous écoute depuis un moment, mais en silence. Est-ce qu'il est possible de demander un son Bah écoute, vas-y, propose toujours. Hein. Je peux avoir un petit message de bienvenue, s'il te plaît. Je vous écoute tous les soirs. C'est Quentin du 59 qui nous avait envoyé un message. Oui, c'est un des nouveaux qu'on utilise depuis longtemps. Enculé, enfin depuis longtemps qu'on avait souvent écouté ce soir. Olivier qui dit je peux avoir mon message de bienvenue. Enculé, toi aussi, voilà. Et Kawet qui dit j'ai faim, pouvez m'envoyer une capote à la fraise. Ben tu sais que ça se mange pas Kawet, hein. Il y a le prince qui dit faudrait demander à Mario des nouvelles de Luigi. C'est drôle ça. Et puis Polo il venait de la faire surtout. C'est marrant, hein. Ah ouais, Oliver aussi qui dit pour Alexia comme on dit coucher. Attends c'est quoi? Comme on dit coucher n'est pas trompé. Non c'est sucer n'est pas trompé, mais coucher oui. Hein. Ouais. Et alors, elle est amoureuse ou elle veut juste du sexe? Ah oui, c'est une question du prince India pour toi, Alexia. Non, je suis amoureuse. Franchement, je suis amoureuse. T'es amoureuse, donc d'accord, ok. Est-ce qu'il te manque la semaine comme ça, tout ça, quand tu le vois pas? Bah, est-ce que je peux proposer quelque chose à Alexia ou pas? Vas-y, toujours. Ouais, j'ai une simple proposition, hein, c'est pas compliqué, c'est tu me suis, je t'encule. Oh, Polo, il a été au top, il a failli me mettre travers. Mais t'es un ouf, Mario. Mais moi, je dis pas des trucs comme ben ça. Oui, t'as envie de lui nettoyer la plomberie. Oh mon dieu. Oh là là, je vais m'étouffer, mec. Ah, me fais plus jamais un truc comme ça. Pas compliqué, après, bon. T'es un narvalo, toi. T'as vu, Alexia, tu lui as fait tellement peur, c'est vrai. Elle a eu peur, hein, ça a coupé donc. Bon, Mario, on va essayer de la récupérer, Alexia, dans quelques instants. Jessica également, qui est là, t'es là, Jess? Ouais, ouais, je suis là, y'a pas de soucis. Jessica, 20 ans, d'Annecy, ah bah, ça a coupé avec Alexia. T'es pas intéressée par Mario, Jessica? Tom, t'es là? Non, moi je suis en couple, c'est bon. Ah, t'es en couple? Mais tu voulais quand même donner ton avis par rapport à Alexia, c'est bien ça? Bah ouais, enfin moi je sais que je fais poseuse, que j'aimerais pas qu'on fasse comme a dit Toff tout à l'heure. Non, c'est Polo, c'est Polo qui a dit. Ouais, c'est Polo, pardon. Je voudrais pas qu'on me fasse. Ah ouais, Toff, fuis. Oui, voilà. Bon, allez, ça y est. Y'a aucun problème. Je me disais bien, bon sens de Toff, etc. Bah c'est ça, on a récupéré Alexia. Alexia, c'est Mario qui t'a choqué? Ah non, ça me choque pas. T'as entendu ce qu'il a dit ou ça a coupé avant? Non, j'ai entendu ce qu'il a dit. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Ah, c'est pas choquant. Non, bah pas du tout, Mario, oh là là. Mais absolument pas. Je ne comprends même pas pourquoi on se sentait offusqué. Bon, du coup, Jessica... Ouais, bah, moi non plus. Hein. Bah oui, c'est ça, mais t'as raison. Jessica, c'est quoi le conseil que t'avais filé à Alex, alors? Bah que, voilà, c'est que ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est que le meilleur pour toi à faire, c'est qu'au pire, ce que tu fais, c'est vu que tu veux être avec lui, le conseil que je te donne, c'est mets-le au pied du mur, dis-lui, bah écoute, c'est elle ou moi. Il n'y a pas 36 solutions, c'est pas faux. Ouais. Pas plus simple. Oui, voilà, c'est vrai, Alexia. Et tu sais ce qu'il va faire? Et ben, il va garder sa meuf. Pas forcément de chance. Pas grave, on trouvera un autre. Ouais, voilà, ça aussi, effectivement. Bah il y a Mario. Hein. Bah exactement, ouais, ouais. Mario est là. Personnellement, hein, personnellement je trouve ça un peu bidon. Quoi. Les choses, je pense que c'est un peu bidon. Ah, attendez, attendez, pourquoi tu trouves ça bidon, Mario? Ah, bah, je pense qu'elle devrait le chauffer complètement si elle veut le récupérer, quoi. Bah ouais, mais elle peut le chauffer, mais peut-être que si elle le... Parce qu'elle le chauffe déjà, tu vois, ils couchent ensemble et en tout le bordel. En si c'est pas chauffé... Ouais, mais faut lui vendre du rêve, quoi. Faut lui vendre du rêve, puisque c'est sa meuf, quoi. Ouais, pas faux, Alex. Enfin, sa copine, je veux pas te dire, mais elle est 1m40, elle est grosse comme je sais pas quoi. Mais enfin, pourquoi il est avec ça elle veut rien dire. Mais oui. Pourquoi il est avec elle s'il l'aime Ouais. Bah, j'en sais rien, parce que je sais pas, il est peut-être amoureux d'elle, et ou bah, alors... C'est sûr et certain, c'est bah, oui. Chum, Sinon, il restera pas avec elle, hein. Moi, ma femme est très moche, par exemple. Et parce que j'ai pas le choix. Ouais, bah c'est ça, il est obligé, quoi. Mais enfin, c'est pas grave, hein. Oui. Non, mais c'est pas grave, je l'aime. Ouais. Mais c'est le principal. Il l'aime moche. La beauté peut être intérieure et non extérieure. Exactement. Ah là, sa beauté est au plus profond de son intérieur. Là. Elle est plutôt à ce niveau-là. Voilà. Non, mais c'est comme quoi ça suffit pas d'être bonasse. Hein. Exactement, exactement. Ce qui arrange Sandro pour le coup. Ce bah sujet. Oui. Enfin, Sandro, elle est belle, arrêtez. Je suis célibataire toujours par contre. C'est hein. Vrai, mais ça va. Mais Mario Mario, Mario, tu veux pas Sandro? Attention, tu la prends avec le 4 quarts, sinon tu la prends pas. Non, mais attends, moi je vais savoir les mensurations avant de. Ah, mais pas de problème, Toff. En ce moment, c'est pas terrible. Sandro, combien mesures-tu? 1m56-7. Combien pèses-tu? Ouais, ça dépend des jours. Hein. C'est comme avec les avions. Ouais. C'est quand l'avion décolle, il rallonge un peu. Tu vois, c'est avec son c'est pareil. C'est pareil quand je saute des murs, c'est dépend quoi. Bah voilà. Ouais, c'est pareil quoi. Bon, alors non, vas-y, continue. Le poids. Alors, le poids. On y arrive. Le poids normal est entre 50 et 52. Mais là, on va dire que j'ai un peu pris. Je suis à 54-55. Je suis pas fier. On n'est pas dans mais le détail. Mais je vais les perdre très rapidement. Ouais, mais t'inquiète pas, tout est dans les nibards. Avec le 4 quarts dans le bureau. Ouais. Non mais dès demain. Taille de pantalon. Normalement 36, mais j'avoue que je suis un peu serré dedans en ce moment. Bon, 38, mais je rentre quand même c'est dedans. C'est parfait. 38. Non, c'est bien que les fesses soient serrées. Non, 36. Et hein. La taille, donc le dernier pantalon on a fait, et la taille de ton soutien-gorge on a dit. Alors, 90 entre B et C, ça dépend les sous-vêtements. Oh non, c'est pas B, mais j'avais de la ville, t'es sérieux. C'est un B que j'ai sur moi là. Mais moi j'étais plus. Mais B, tout ouais. Déborde. Ouais, mais c'est un B que t'as acheté au marché, le mec savait pas faire les tailles. Non, justement, c'est un. C'est un D d'être non, au plus. Justement, c'est les vrais soutifs qui te tiennent très bien, même sans bretelles et tout, quoi. Ah ouais, mais sans bretelles. Bon, bah, c'est compte plutôt sur un C, hein, Mario. Hein. Mais d'accord. Habituellement, c'est C, oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc, intéressé, Mario? Bah, c'est plus de... Moi, je m'attendais à plus, quoi. Ah ouais, mais bon, après, pas... Mario, ouais, tu t'arrives au marché, là On n'est pas chez Carrefour, hein. Ah, d'accord. Non, je m'attendais à un 85D. Elle les dépose bien sur la table du bureau, mais pas avec un D. Hein. Bon, d'accord. Sinon t'étais pas intéressé par le slogan de Mario? C'était quoi? Cul. Non, merci. Je passe mon tour. Hein. Moi perso, je préfère l'inverse. Ça permet de nettoyer à la fin. Merci, Toff. C'est dégueulasse. C'est réglo pourtant, mais bon. Bon bah écoute Mario, je te la repasse quand même. Hein, tu verras avec elle. Hein. Bon bah merci. C'est réglo hein. Je sais, mais écoute, je te la repasse en antenne. C'est réglo, tu rentres toi chez toi, je rentre chez moi. Ouais, tout, c'est ça. Tout ouais. Va bien. C'est jamais ouais, ça. On peut faire comme ça aussi. Hein. Elle voilà. Se la ramène à l'antenne, mais bon, merci Mario en tout cas d'avoir appelé. Hein. Tu restes au standard. Je te repasse Sandro, elle va t'envoyer un pack fun. Arrête. Comme ça, elle aura tes coordonnées. Mais je vais. Tu sais très bien, je vais pas le rappeler. Salut Mario, ciao à toi, salut. Bonne soirée. Merci Jessica d'être passée, gros bisous. Il y a Alexia qui a nous au jus. Il y a moyen d'avoir un pack fun. Oui, tu gères ça avec Sandro, je te la repasse sans problème. Ok, merci. Salut, ciao Jess et Alexia, bah, gros bisous aussi. Hein. Tu peux avoir un pack fun aussi. Mais oui, toi aussi tu peux avoir un pack fun, Alexia, pas de problème, je te fais des bisous. Salut Alex. Et je peux demander une petite dédicace ou pas? Allez, tu peux la demander, je peux la refuser. Non, tu la refuses pas, t'as pas le choix. Ah bon, Alexia, retire ce que t'as dit parce que tu sais très bien que tu es. Oui, je te dis que tu es beau. Oui, non, mais j'ai le choix ou j'ai pas le choix? Oh, t'as le choix. Bon, alors vas-y. Je vais faire une dédicace à ma meilleure amie Priska qui nous écoute tous les soirs aussi. On l'embrasse, ta meilleure amie, y a pas de problème. Ok. Salut, gros bisous. Bonne soirée, bisous. Allez, ciao, Alexia. Bon, bah, Justine, bah, reste encore avec nous, tu vas finir l'émission. Hein. T'es jamais là bah, que depuis, oui. Depuis 3 heures hein, dans le standard, donc on est tranquille quoi. Bon, bah, moi, bien. On va s'écouter le nouveau son de Avicii, ça te branche? Wake me up? Non, encore le nouveau, c'est Hey Brother. Ah, oui. Ah, mais avec plaisir. Tu vas le découvrir en même temps que nous, c'est cool. Hey bro, maintenant sur Fun Radio, le son d'Avicii. Et puis juste après, on se met un petit chéri, je peux te faire cocu pour finir? Allez, pour se finir. Allez hop, c'est parti. Avicii, c'est le nouveau maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Hey brother, there's an endless road to reach. Avicii sur Fun Radio, le DJ Fun avec Hey Brother. Et on va se faire évidemment maintenant le chéri, je peux te faire cocu, celui d'hier. On s'est tellement marré qu'on va vous le remettre encore un petit coup maintenant. Chéri, je peux te faire cocu, on le fait tous les lundis. Et si vous voulez jouer au prochain d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous appelez Sandro au 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Samuel qui dit en fait elle est bien foutue, n'empêche Sandro. Hein. Ouais. Cher Edouard qui dit Sandro, qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis la musique. Il y avait qui l'apnée veloutée qui dit je trouve que Mario parle un peu trop là, un peu trop grande gueule je trouve. Clem qui dit t'es mimi Sandro, et Lilou qui dit Mario, ceux qui en parlent le plus attends, c'est quoi sont ceux qui en font le moins, t'as trop une grande gueule. Ah bah Toff il a pas beaucoup baisé hein. Alex qui dit aussi une tuerie le nouveau Avicii, y'a que ça de true, enfin de vrai donc à traduiser. Tony aussi qui dit Alexia demande conseil à Valentin, c'était une idée aussi ouais. Et le prince qui dit les filles sont vicieuses parfois. Ah ouais je confirme. Bon allez chérie, je peux te faire cocu pour ceux qui étaient pas là hier. Ah bah, ça donnait ça. Bonne chance Jérém, au plus elle s'énerve, au plus t'as chance de repartir avec les cadeaux. Si elle pleure, tu perds tout. Quelle belle voix j'ai quand même. C'est vrai hein. Allô. Non. Ouais bébé. Oui c'est moi. Oui c'est bah c'est moi. Oui je reconnais ta voix. Oh, dis donc qu'elle est contente. Bah oui et toi? Ouais oui tranquille. Ouais je t'appelle en fait, c'était pour bah, en fait tu te rappelles quand je suis sorti à au 17 avec avec un pote et tout, en fait j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Et bah je vais te demander, bah, déjà tu as je t'appelle et tout ça, donc bah pour te demander si c'est possible bah de bah comment dire. De comment dire. Bah de coucher avec quoi. Quoi? T'es sérieux là? Bah je t'appelle, au moins. Ouais non. Je te préviens, mais... je te préviens juste. Mais t'es sérieux? Tu connais que je suis quelqu'un de franc, donc... Ouais, t'es quelqu'un de franc, aussi. T'es quelqu'un de fidèle aussi, non? Ah bah oui. Oui, bien sûr. Vas-y, Sandro. Elle s'appelle Vanessa. Tu te fous de ma gueule. Bébé! Oui? T'en es où? Ça avance? Oui, t'inquiète. Et en plus, elle est avec toi. Bah oui. En plus. Mais tu te fous vraiment de ma gueule. Bah non, tu m'avais dit que t'étais quelqu'un de fidèle, que t'étais pas comme tous les mecs, en fin de compte t'es comme tout le monde. Bon bah dépêche-toi, je vais pas attendre 3 heures hein. Mais bah ok, bah j'arrive alors. Et elle s'appelle non, comment? Mais voilà. Mais c'était avec qui au téléphone là bébé? Avec ma copine. Bon passe la main, passe la main. Tu peux m'appeler encore ma copine. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? La copine de Jérémy. Ah t'es une amie de Jérémy? Non, la petite amie. Ah t'es petite? Non, je suis sa chérie, sa copine, sa femme, sa... tout ce que tu veux, t'es mais pas une salope. Bébé, t'es mariée? En plus, elle ose appeler bébé, quoi. Non, mais allô. Bébé? Oui. C'est quoi ce délire? T'es mariée? Non. Ah oui, d'accord, une mytho au elle téléphone, elle donc. T'es une mytho, Charlène, hein? Non, je suis pas une mytho, non. Bah, t'es pas mariée avec lui, clairement pas. Je suis pas mariée avec lui, certes, mais je suis quand même sa copine. T'es sa petite amie? Oui. Et alors? Et alors, d'où tu permets d'appeler bébé de maman au téléphone, là? Bah, excuse-moi, je le connais, hein. Et alors, moi aussi, je le connais. Oh, merde! C'est quoi, ça? Désolé, Sam, j'ai fait tomber le verre. Ah, tu déconnes, ça coûte pas cher. Non, mais je sais bien que ça coûte pas cher, heureusement. Bon, bah, j'arrive, je vais nettoyer. Prends le téléphone, là, je comprends rien avec la fille qui est au téléphone. C'est qui? Bah, elle s'appelle Charlène et elle dit qu'elle est mariée avec Jérémy, n'importe quoi. Mais n'importe quoi, qui se raconte? Ouais, je sais pas, c'est encore une mytho. Allô? Allô? C'est qui? La petite amie à Jérémy. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Bah oui. Bah il nous a pas dit qu'il était maqué? Bah que j'en sais, moi, je suis pas avec lui, là. Ah bah je comprends pas, alors... c'est un mec infidèle, tout simplement. Ah oui, bah c'est un mec, quoi. Bah il est pas infidèle. Ah non, mais là, attends, ouais, c'est vrai, ça, en plus, là, Charlène, qu'est-ce que tu racontes? Michel, dis-lui, moi, je suis pas amoureuse, hein. C'est ouais, c'est vrai. Soir, hein. Mais non, parce qu'en fait, on a rencontré ton mec, a priori, alors on a rencontré Jérémy, et c'est vrai qu'effectivement, là, c'est vrai qu'on avait pris un verre ou deux en trop, et effectivement, ça me dit quelque chose, là, qu'il ait dit qu'il avait une copine. C'est vrai. Mais en fait, il voulait juste t'appeler si mes souvenirs sont bons, c'est juste pour voir si ça peut être juste un soir, tu vois. Mais t'inquiète pas, moi, je connais Samantha, hein, c'est une connasse, hein, t'inquiète pas, là, faire ça juste juste un soir et puis après elle va le jeter, hein, y a pas de problème, hein, t'inquiète ouais, pas. Mais c'est... Dis pas que je suis une connasse, toi aussi. Non mais c'est pas sur le long terme. Il fait pas ça, c'est tout, il a pas à le faire. Non mais c'est juste un soir. Même, il n'y a pas juste un soir. Eh bébé, t'aurais pu me dire que t'avais une copine quand même. Hein. Ouais, mais c'est juste un soir. Oui, mais bon, voilà, c'est, j'ai bu de 3 verres de trop aussi, ah, c'est pour ça. On va mettre ça sur le dos de... Non, mais elle est cool, de l'alcool. Charlène. Oui. Bon, ben c'est pas grave, et oh, et on va pas en faire non plus un plein. Hein. Bah, t'as envie, qu'est-ce que je dois mettre quand même. Bah, attends, au mais... Moins, bébé, attends, au moins, c'est la permission, quoi. Ouais, c'est vrai, hein. Oh. Hey, qu'est-ce que je dois mettre? Eh, hey, tu vois, attends, et c'est vrai qu'il a quand même été il est quand même gentleman parce qu'il te demande quand même la permission alors que les autres mecs ils auraient couché, ils auraient rien dit hein. Non mais voilà, mais au moins t'as comme ça, au moins t'as un peu l'impression de d'avoir ton mot à dire, même si au final t'as rien à dire, t'es qu'une meuf, mais je veux dire Bah merci, c'est gentil. Non mais je t'en prie, écoute, moi y a pas de problème, moi elle aussi a l'air je suis franc. Un peu chiant, toi, quand même, hein. Ouais, elle est un peu coincée du cul, j'ai ta copine. Qu'est-ce hein. qu'il faut que je mette un string, un ouais, bah ouais, un hein. shorty. Qu'est-ce qu'il aime bien parce qu'attends, parce que Jérémy il est parti avec ça. Qu'est-ce que t'aimes bien qu'est-ce qu'il aime bien, pardon, je sais plus où j'en suis moi. Bah c'est à lui de le dire, c'est pas à moi. Vu non mais tu il sais avec, la première venue. Non mais pas la première venue, ils ont discuté ensemble pendant au moins un quart d'heure. Ah bah un quart d'heure, c'est le temps qu'il faut pour conclure. Ouais, c'est ouais. Ouais, bien sûr. À peu près, ouais. Ah oui, bah oui. À peu près. Bon, et du coup, il est plutôt string, plutôt quoi? Plutôt string. Ah, il préfère les strings. Ah bah, hein string. Ah d'accord, quelle couleur? Plutôt quelle couleur? J'en sais rien. Non, tu devrais quand même savoir, t'es avec lui, tu sais quand même s'il aime bien, je sais pas moi, mais noir. Mais je suis pas avec lui depuis longtemps, donc... Bah justement, tu devrais savoir, au début, c'est là qu'on fait tout, qu'on fait attention à tout. Et sa position préférée, c'est quoi? Ah, c'est quoi la position préférée? Sa gueule aussi. Attends, je te la passe. Samantha, demande-lui. Oui. Après, on va discuter entre couilles. Jérémy, viens boire une bière. Allô. Allez, j'arrive. Allez, viens. Oui, Charlène. Allez, j'arrive. Oui. J'arrive. Est-ce que tu peux me donner un petit peu d'informations pour le chauffer? Non, oh, mais putain, qu'est-ce que t'es bête. En gros, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Et faut même pas que ça me dise que t'es couché avec. C'est oui, mais j'aimerais bien lui faire plaisir. Donc, t'es la mieux placée quand même. Tu te démerdes. Le string, j'ai noté. Écoute. La position préférée, c'est quoi? C'est à lui que tu dois demander les informations principales. Oui, mais je voudrais lui faire une surprise si je lui demande. Enfin, voilà quoi, c'est pas. Bah, j'aimerais le surprendre. Bah, surprendre. Si je lui demande tout avant, je vais pas le surprendre. Bah, je m'en fous. Oh, qu'est-ce qu'elle est. Eh, dis franchement, donc. Franchement, elle est chiante. Hein. Elle a l'air un peu relou quand même, un minimum. Ouais. Hein. Ah, bah ouais. T'es pas ouverte, hein. Non, surtout pas sur ce sujet là, tu vois. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'elle est relou. Eh, sinon, Charlène. Attends, je reprends le téléphone. Prends-la, Charlène. Oui. Dis donc, sinon ce que je te propose c'est que pendant que lui il fait son affaire, moi je peux comprendre qu'ils sont un peu jalouses. Moi je peux m'occuper de toi, je vois qu'apparemment le feeling passe bien. Pourquoi pas? Ah, ça peut être un bon plan ça. Physiquement t'es comment? Tu ressembles à quoi? Bah demander à Jérémy. Ah, Jérémy. Il a dit qu'elle était pas terrible l'autre fois. Hein. Oh merde. Ouais mais enfin, en même temps vu la gueule que j'ai pas non plus tapé dans le haut de gamme. Ouais c'est vrai. Mettons bon. Les beaux gosses ensemble, Jérémy et moi. Ouais, Jérémy, elle ressemble à quoi physiquement? Elle est blonde aux yeux bleus. Ah bah c'est bien, mais plutôt grande ou petite, maigre, grosse, et comment? Petite. Petite. Elle est plutôt enrobée ou pas? Non. Non, bon, ça va, hein. Ça va, ça me paraît pas mal, Charlène. Elle a qu'à venir. Bah oui, bah viens, tu vois, si tu veux, je passe te prendre. Bah viens, vas-y, je t'attends. Oh bah super, bah écoute, je vais arriver, alors impeccable. Hein. Et toi, t'es plutôt quoi comme position? C'est quoi ton kiff? Ah bah tu verras. C'est la levrette, elle m'a dit au téléphone. Ah c'est levrette. Ah bah parfait. Elle a rien dit déjà. Si elle est menteuse, elle me dit que tu l'as dit. Alors arrête si, un peu. Elle a dit qu'elle adorait ça. Menteuse, t'es qu'une menteuse. Elle a dit qu'elle adorait ça. La levrette. Menteuse. La levrette, elle adore. Elle bon. Adore. Allô. Oui. Bon bah levrette alors, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, bah super. Bah moi ça me plaît aussi. Alors impeccable, on va plutôt faire ça comme ça alors. Elle a dit qu'elle mettait des grandes culottes. Ouais, culottes dis donc. En coton. Tu nous invites à manger juste avant de venir? Ah enfin oui, juste avant qu'on y aille. On mange tout ça. Bah écoute, c'est choucroute chez moi. OK, d'accord. Tu sais, on va pas chipoter non plus pendant 107 ans, hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais, bah voilà. OK, bah super. Eh hey, Jérém. Oui. Oh putain, elle est chiante. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah bah ça c'est les femmes ça. Hein. Oh putain, elle est chiante. Ah, elle est trop chiante. Oh qu'elle est bête. Oh qu'elle est chiante. Oh qu'elle est chiante. Oh qu'elle est bête. Eh hey, Charlène. Oui. Tu te rends compte de la chance que t'as? Pourquoi? Bah, qui te demande ton avis? Bah ouais, j'ai une chance. Mais ouais, j'aurais pu très bien aller directement, tu vois. Ah voilà. Simplement préférer que tu le fasses pas non plus. Arrête, eh oh. Il y a pas de mal à sortir du bien, comme on dit. Eh, hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Avec une oh fille que t'amasses. Oh. Tu te rends compte de la chance que t'as? Non mais si tu veux, va faire ton affaire, vas-y. Hein. Je te retiens pas. Hein. Ah bon, bah très bien. Bah en même temps, t'as demandé pas ton avis. Hein. Ben, j'ai vu ça. Bon bah c'est parfait. Non mais tu sais quoi, Charlène? Oui. Bon, entre nous. Je pense que tu devrais le virer. C'est ce que je vais faire. Bah t'as raison. Et parce que moi je suis célibataire si tu veux. Ouais non mais si. Non mais c'est un connard, franchement. Pour, non mais franchement. Aller ailleurs. Ah non non mais bah si tu vas pas rester célibataire toute ta vie. Ah, mais un bon petit temps ça va aller. Non mais c'est un connard, c'est un connard. Attends, je vais te présenter un pote. Je vais te présenter un pote. Eh hey, tiens, eh, hey, Thierry. Ouais ouais. Y a une meuf là, elle est célibataire, elle va virer son mec. Ah ouais, ah bah c'est bon ça. Vas-y, je te la présente, c'est Charlène. Allô Charlène. Oui, allô. Ouais, il paraît que t'es chaude. Non, je suis pas chaude, non. Ah bon? Bah attends, on vient de me dire que t'étais disponible, ouverte. Non, on a dit, il a juste dit que j'allais larguer mon mec parce qu'il vient de me faire coquille. Mais... Non, Thierry, elle a dit qu'elle aimait la levrette. Ah, et en plus, t'aimes la levrette? Et elle met des strings. Ah, et tu mets des strings? Ah, oui, vas-y, on est fait pour se rencontrer. Moi, j'adore les strings en levrette. Oui. Bah, tu vois, donc, moi, j'ai envie de dire, rencontrons-nous, faisons l'amour et je vais te faire oublier ton espèce de. Enfin, je c'était, mais tu vas l'oublier vite, quoi. Bah, il s'appelle Jérémy. D'accord, bah, tu vas oublier Jérémy. Je vais tellement te ramener que tu te souviendras même plus de son prénom. Je crois pas que je l'oublierai, non. Oh, c'est tout de suite. Tu dis ça, mais c'est parce que tu m'as pas encore vu. C'est parce que tu m'as pas encore senti. Non, mais justement. C'est parce que je l'aime, tu vois. Elle va le récupérer. Oh, c'est mignon, t'as vu, Jérém? Elle vient de te faire une déclaration d'amour. Ouais, bah oui. Comme c'est ringard. Non, c'est beau. Bon. La chance. Charlène. Oui. C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, il t'appelait juste parce que c'est un con. Ouais. Bah oui. Voilà, c'était le chéri, je peux te faire cocu d'hier, donc on vous l'a remis ce soir, vous avez été nombreux à l'avoir redemandé, donc voilà, si vous voulez jouer aussi, eh ben on met le couvert dès lundi, hein, si vous voulez vous inscrire, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a le Prasada qui dit j'adore les strings en levrette, il y a Tony aussi qui dit ce chéri, je peux te faire cocu, clôture bien cette excellente soirée, mais non, pas du tout, il y a encore un petit appel à faire. Ah. Bah c'est vrai, on avait encore des numéros de téléphone, là, on en avait encore un. Bon, Justine. Oui. On fait le dernier appel. Allez, ça marche. Après avoir rencontré ton oncle. T'es enculé, toi. Voilà. Ton oncle, ton père, pardon. On va donc encore en appeler à nouveau maintenant. C'est parti. Alors attention. En plus, à 2h du mat, là, je pense qu'ils vont être bien frais. Allez. Très frais, même. Ouais. Trop frais, peut-être. Enfin bon. Allez. Ah, déjà, ça décroche pas. Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. En fait, voilà, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous gardiez vos chaussettes pour faire l'amour. Ah, malheureusement, ça a coupé. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, on va rappeler. Allez. Petit problème technique, certainement. Voilà. Bah, donc, elle est où, elle? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Espèce de crétin, allez vous faire foutre. Mais enfin, pourquoi me dites ça, madame? Allô? Alors, on a eu le espèce de crétin, allez vous faire foutre, en une seule soirée. Hein, il faut quand même savoir que on est tombé sur... alors, donc, on va dire depuis hier soir, à la fin d'émission, on avait appelé le père de Justine. Ça avait donné ça. Vous me faites chier. On l'avait rappelé. Ça avait donné ça. Allez vous faire foutre. Ah non, merde, pardon. Non. Oui, bah alors je me suis embêté des pinceaux. Ben oui, mais c'est pas grave. On avait rappelé, on était tombé là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait me faire chier? On a rappelé ce soir, on est tombé sur une autre meuf qui nous a donné ça. Votre grand-mère, elle suce des nains. Ah non, c'était un mec, enfin peu importe. On est tombé, on l'a encore rappelé, on est tombé sur ça. Tu es enculé, toi. Voilà, on l'a encore rappelé. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Voilà, ça a été pas mal. On est tombé sur ça. Ouais, elle m'habite sur ton front. Voilà, et on est tombé sur ça. T'es une grosse salope. Voilà, eh bah dis donc. On en a vu ce soir. Hein. Ah, que des gens sympas. Ouais, ouais putain, c'est clair. Hein. Oh là là, il y a Mickaël qui dit il est trop bien, chéri, je peux te faire cocu. Le prince qui dit je rappelle la petite phrase magique de Mickaël. Oui, c'est vrai, si vous avez cours de français, on ne va pas. On va au pute et on va chez le dentiste. Oh, ah oui, pardon. Ah oui, on va pas au dentiste. Non, c'est vrai. Voilà, on va pas au coiffeur non plus. Non. On va au pute et on va chez le coiffeur, c'est ou vrai, chez le dentiste ou chez le médecin. Voilà, effectivement, merci le prince Ediat, c'est bien d'avoir rappelé cette règle de français. Bon cette élève. Règle mémotechnique. Très bon élève. Tout à fait. Kawel qui dit Mickaël, je l'aime ce vieux con, surtout quand il gueule. Oh, je suis pas vieux, Kawel, c'est quoi ces conneries? Adeline qui dit je suis dans mon lit et je m'éclate avec vous. Quoi dire d'autre? Big up. Oh, bah toi, faudrait bien une autre idée en parlant de lit et d'éclater. Mais enfin, ah, bon. Bah, là, et... Vous savez tout ce qu'on peut éclater. était dans un lit. Princess of Ice qui dit 95 C, 34 de pantalon, j'ai le droit, hein. Qu'est-ce qu'elle est bonne, non? Bah non, il manque la taille et le. Ah oui, non, il faut et le poids, là. Hein. Princess of Ice, là, il faut l'intégralité, hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Bah, Princess of Ice qui dit, je vais pas assumer le réveil demain matin. Mais si, ça va aller. Et Heartbreaker qui dit, heureusement que vous êtes là pour pas que je m'ennuie. Olive Ounay qui dit, ce soir, Toff se fait bouillaf par tout le monde. Ah ouais, là, il a pris cher. Ah, ouais, grave. Ah ouais, là, il a pris plus que cher. C'est une partouze bon, verbale. Exactement. Bah, Justine, merci à toi en tout cas d'avoir passé la soirée avec nous. Bon, mais, donc, merci à l'hosto, donc t'as avec ça à foutre. Hein, hein? J'ai dit en même temps, t'as l'hosto, donc t'as avec ça à faire de passer la soirée avec nous. Bah, c'est juste que. Non, même pas, c'est... ça remonte le moral. Ah, bah voilà, bien. Bah écoute, tant mieux, on est là pour ça, effectivement. Eh ben, Justine, bah, on te rappelle demain, du coup, ouais. On va essayer d'appeler ton père. Bah, y'a pas de soucis. Bon, bah, parfait. Juste un truc, Justine, tu veux être hébergée dans le standard ou pas? Ah, oui, demain, si tu veux, on le laisse dans le standard, hein, si t'as pas de radio, hein. Bah, je vais. Ouais, bah non, j'ai pas de radio. Ah, bah voilà, bah, on va te mettre en VIP, là, comme Colline à l'époque. T'as vu, Colline, même pas de nouvelles de sa radio. T'as vu, voilà, elle a raté une radio, plus nouvelle. Plus de nouvelles, elle nous aime plus. Qu'est-ce que tu veux? T'imagines, elle a peut-être gratté une radio pour écouter une autre radio. T'écoutes France Info. Oh putain, non, la galère. Car je l'ai bloqué. Ah, parfait. Sauf que ce n'est pas la même fréquence dans tout le pays, Polo. Et là, bon, c'est la merde. J'ai fait de la merde. Eh bah oui, là oui. Bon, gros bisous, Justine, à demain. Gros bisous, tout le monde. Salut, ciao. Merci. Et Melvin également, qu'on devait prendre là. Salut, Melvin. Salut. T'as écrit Moby demain, du coup. Melvin, comment vas-tu de Saint-Ouen, là? Ouais, bah ça va. Bon, oui, ça a l'air, hein, dis donc, hein, Melvin. Hein. T'es en forme là ou t'as enterré toute ta famille là? Bah non, mais en fait, c'est ma voix, elle est comme ça. Ah, d'accord, ok. Bon, et t'as quel âge? J'ai 14 ans. Oh, t'inquiète, elle va changer là. Bon, qu'est-ce qui se passe, Melvin? De quoi on parlera demain? Bah en fait, j'ai 5 meufs. Ouais, oui. Oh, 14 ans, t'as 5 gonzesses déjà. Ouais. T'es sûr? Ouais. Comment elles s'appellent? Mathilde, Laura, Enora, Marine et Vanessa. D'accord. Ok. Bon, okay. Et tu veux faire un choix? Ouais. Très bien, bah toi, j'en prends 4. Oh, voilà, moi je et puis la faire se replier comme ça. On les appelle toutes demain? Ah oh ouais, putain, on fait un truc à 5 d'un coup. Allez, paf. On fait une partouze. Ça, c'est bon ça. Une partouze de radio, hein. Ça, c'est. Oui, bien sûr. Ça, enfin, c'est bon standard, ça. Quoi. Effectivement, effectivement. Bon, on te reprend demain, Melvin, d'accord? Ouais. Bon, il y a un message pour Toff? Tu es enculé, toi. Voilà. Salut, Melvin, à demain. Hein. Ok, c'est possible. Allez. De mettre un coup de pelle à Toff? Bah évidemment, avec plaisir. Voilà, dans sa gueule. De dans merde. Sa gueule, exactement. Tu es enculé, toi. Voilà. Salut, Melvin. Salut. Allez, générique. Générique. Ah non, merde, Top Twitos d'abord. Ah oui, Top Twitos. Où ai-je la tête? Coup de pelle dans la gueule, dans flamme. Voilà. Voilà. Allez, Top Twitos maintenant. C'est vrai que j'avais presque oublié. Donc, quels sont les 5 auditeurs les plus influents sur le hashtag et Mickaël? Je me suis pris pour un journaliste à un moment. Oui, c'était pas Quels mal. Quels sont les 5 auditeurs les plus influents? Nous sommes en direct avec Toff. Oui. Pour ce reportage, nous vous écoutons. Eh bien, non, ici. Non, il faut laisser un peu de lag. Ah oui, pardon. Comme si t'étais en direct. Nous vous écoutons. Est-ce que vous nous entendez? Oui, Mickaël, je vous entends. Très bien. Et ici, en direct du centre de comptage, j'ai les chiffres. C'est-à-dire le micro à côté du mien. Bon, alors, on écoute. Quel est le numéro 5? Safraja. Safraja, très bien. Le numéro 4. Le prince Nadia. Ouais. Le prince Nadia qui est de retour, numéro 4, c'est bien, bravo. Numéro 3. Morgan 88S. Ah, c'est une nouvelle? Non, mais je veux dire, dans le top ouais, elle vient de temps en temps, elle revient. Très bien, numéro 2. God bless Holly. Et ouais. Numéro 1, alors soit elle est complètement sortie, Let's Be Freaks, soit elle a repris sa place. Et non, elle est première, bien sûr. Ouais, Let's Be Freaks, bravo. Bien évidemment. Bon, allez, un petit message pour Let's Be Freaks, là, pour fêter ça, hein, attention. Ouais, elle m'habite sur ton front. Ça lui fera plaisir, je sais qu'elle en a envie. Bah oui, j'imagine, voilà, c'est ça, surtout c'est celle de Toff. Bon, eh ben passez tous une bonne nuit, hein. On se retrouve demain bien sûr à partir de 23h sur Fun Radio. Et bonne nuit tout le monde, un rencard demain, 23h en pleine forme. Générique? Allez, c'est parti, on y va, on se quitte avec le générique comme chaque soir. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'as te sucer, toi l'enculé. T'es un enculé, t'encules ton nom, 80 personnes qui enculent ton nom. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encules ton nom, t'es un enculé. Tu veux plus dormir ou bien manger, qu'enculer ton nom toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Et et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Qu'est-ce qui se passe ici? T'es enculé, toi. Quel cauchemar! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Votre grand-mère est suce des nains. Oui, tous les deux, on est des enculés. Ah, il n'ose pas. Suce ma bite. Suce ma bite. Voilà. Sur le fil. Voilà, c'est fait. Bon, bonne nuit tout le monde. Rockard demain dès 23h. Ciao. Mickaël, nos limites sur Fun Radio. Bon, d'abord, il est temps d'accueillir JB, comme il se doit, bien le entendu. Le prince de la night. Exactement, The Prince of Night, d'ailleurs, qui communique sur Twitter. Hein. Ah bon, oui, bah oui, toujours. Ah bah oui, on l'a vu, hein, il communique. T'as communique, exactement, et voilà. Que de mots. Exactement, très très... Ce qui est bien avec JB, c'est quand il arrive, on a toujours l'impression qu'on sort de la douche. Parce que ça sent encore parfum, le Head and Shoulders, je sais pas quoi. Moi, j'ai pris ma douche il y a une demi-heure, les gars. Ah ouais, non, mais c'est bien. Enfin, il y a une heure et demie. Il faut se lever tôt. Ouais. C'est pas mal. Et JB, pour économiser l'eau, il prend la douche à la radio. Bah, c'est normal. Voilà, exactement. Mais il a raison. Il n'y a pas de petites économies. Exactement. Bon, JB en pleine forme avec la nuit sans pub, du son dance floor. En veux-tu, en voilà. Oh, bah, alors là, c'est un florilège. Un florilège. Un florilège de son dance floor. Et non, une pas Florida. Enfilade. Non, bien sûr, une enfilade de son dance floor. Ouais. Vous avez choisi FUN Radio, vous êtes les bienvenus. Bienvenue à 6h. Bruno dans la radio. Tout tout un bas, j'y vais. Bruno, ouais. Je sais que tu vas entendre ce message demain matin. Sache que depuis maintenant un mois et demi, je suis en train d'inculquer à ce jeune animateur, le jeu de l'imitation. Alors évidemment, moi, je te tiens très très bien. Hein, dans... Ah ouais. Attention. Attention, j'ai l'impression là. Attention, j'y vais. Oh, qu'il est mauvais. Putain, qu'il est mauvais. C'est un truc de fou, ça. Attends, j'ai un message pour toi, JB, là. T'es enculé, toi. Voilà, je pense que tout est dit, là. Y a pas de problème. On va pouvoir partir tranquille, maintenant. Hein. Bonne nuit, tout le monde. Ouais. Rencard. Bruno sort de ce corps. Hein, pour peu qu'il soit rentré dans un moment ou un autre. Et on salue et on remercie également tous ceux qui étaient connectés ce soir. En tout cas, une partie. Hein. Laura, qui était là, également, qui, ça fait deux soirs que je vous écoute, pendant que je joue à Beau 2. Et franchement, je vais continuer vous déglinguer. Qui c'est l'équipe? Merci Laura, je te fais des bisous. Samuel également, Léa, Ludovic, qui s'y avait, MNM, c'est également, qui nous souhaite bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Let's Be Freaks, qui était là également. Stéphanini, il y avait également Ludovic, qui avait d'autres encore aussi. Papa Scandy, il y avait Vartek également. Tony, etc. etc. Ben, merci beaucoup en tout cas. Rencardement, on va se quitter avec Basto ou Macklemore. Oula, Macklemore, très bien. Allez, c'est parti. D'accord. On se met Basto maintenant avec Dance With Me sur Fun Radio. Passez une bonne nuit. On se retrouve demain dès 23h. Ce sera juste après Lovin' Fun. Ouais. Et puis loupez pas tout à l'heure, évidemment, bah, Bruno dans la radio, hein, en pleine forme, bien entendu. Hein. Il y a 15 secondes d'intro encore, donc on peut y aller. Hein. Ah, bah si tu veux, j'ai de quoi combler. Hein. Ah, vas-y. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Vas-y. Ouais, d'accord, bah ouais, ok, très bien. Pas de problème. Allez, à demain tout le monde. Hein. Allez, à demain. Ouais, ma bite sur ton front. Why don't you dare me?